Soprano sur Fun. Allez mater les vidéos là de Sopra en live, c'est juste une dinguerie. Il a retourné le studio, franchement on s'est éclaté. La vidéo est dispo, il y a aussi celle du sauna avec Enzo et Sopra, c'est vraiment drôle. Ouais. La chaîne YouTube c'est Marion et Enzo. Mais là tout de suite, le suspense est à son comble. Est-ce qu'on va réussir à l'avoir ce gagnant ou pas? Bah quand même, on vous offrait des packs SCUF. Oui. Il fallait juste retweeter sur le compte Marion et Enzo. On a essayé d'appeler tout à l'heure, ça ne répondait pas. Ah, ça sonne. Déjà ça sonne. Peut-être qu'il capte. Allô? Allô? Oui? Alexis? Oui? Ah, il est en train d'écouter Fun Radio sur l'appli parce qu'il y a un petit décalage. Ouais, j'ai entendu. Ça va, Alex? C'est ça. Ça va et vous? Ouais, très bien. Présente-toi, mon pote. T'appelles d'où? T'as quel âge? Tout ça. Alors, je m'appelle Alexis. Ouais. Je viens du côté de Nancy. Ouais. J'ai 20 ans. D'accord. Puis, je suis actuellement en train de chercher du boulot. Ah, bah, profite donc. Tu cherches dans quoi? L'électricité, si c'est possible. D'accord, et eh ben écoute, le message est passé, on sait jamais, 01 42 48 5000 si vous cherchez un électricien. Et toi mon pote, t'es gamer un peu ou pas? Coupe l'appli. Ah oui, beaucoup. Et coupe ton appli derrière là, on s'entend en écho, c'est horrible. J'ai coupé. Ah cool. Bah, est-ce que ça te ferait plaisir un pack SCUF? Ah bah oui, de ouf. Et eh ben ouf. Pas de suspense, t'as été sélectionné, c'est gagné. Bravo. Bravo. Oh bah merci bien. Merci bien, voilà. Ça fait trop plaisir. Voilà, le kit complet SCUF Infinity avec des manettes personnalisées. Tu vas voir, on t'envoie ça chez toi, Alexis, c'est canon. Ah bah c'est cool, c'est cool. Et puis si éventuellement on cherche un électricien, hop, on rajoute ça dans le pack, un job, ça fait de mal à personne. Voilà. Ah bah merci bien, merci bien. On t'embrasse, Alexis. Bah merci bien, vous aussi. À bientôt. Bisous à toi, mon à pote. À bientôt. Bisous. Bon, dans un instant sur Fun Radio, je vous le disais, on aura Lorenzo qui va nous parler de ce petit truc qui l'énerve chez l'être humain, là, ce petit truc qui énerve au quotidien. Toi, Marion, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'énerve vraiment et que tu entends très souvent au quotidien? Oui, c'est les gens qui reniflent au lieu de se moucher. Ah ouais, ça c'est vrai. Mais c'est pas possible, il y a des sopalins, il y a du papier toilette, il y a plein de choses. Oui, mouchez-vous, les gars. Ouais, non, des mouchoirs. Non, mais c'est vrai, mais parfois on sait pas quoi. Parfois on est un peu perdu et on n'a pas de mouchoir. Le bruit du reniflement m'angoisse, mais 2000. Bon, et bah écoute, tu sais quoi, détends-toi, nous reviendrons dans un instant. Merci. 01 42 48 5000, on lance un hashtag avec vous, ça me rend ouf. Bougez pas, Marion et Anne sont en direct jusqu'à minuit. Votez maintenant. Vote for me. Fun Radio DJ Awards. Depuis l'ADE à Amsterdam, l'événement incontournable du DJing. Connectez-vous sur partyfun.fr et votez pour vos DJ préférés. Qui des DJ Fun Radio? Calvin Harris, David Guetta, DJ Snake, Diplo ou Martin Garrix repartira avec le plus de trophées. Réponse en direct de l'ADE à Amsterdam du 19 au 23 octobre avec les Fun Radio DJ Awards. Fun Radio DJ Awards. Sur Fun Radio. Vote for me. Votez pour moi. Go! Le son Dance Floor. Alors ce permis Alice, t'en es où? Je suis au taquet, là je commence la conduite, donc y a plus qu'à. C'est comme pour nos auditeurs, y a plus qu'à. Vas-y, explique. Sur funradio.fr, la sécurité routière propose aux auditeurs de répondre à un quiz sur le permis de conduire et tenter de gagner 1 000 euros pour payer leur permis. Ça le fait, non? Grave, vivement le permis. Retrouvez aussi les progrès d'Alice sur Facebook, Instagram, funradio.fr et Twitter avec le hashtag Alice passe son permis. Le permis, c'est les bons gestes dès le départ. Conditions et règlements sur funradio.fr. J'ai été chez McDo, je commande un menu McFirst à 4,95€ quand deux agents secrets m'attrape et me pousse dans une camionnette. Non. Alors là, on arrive dans une base spatiale où des ingénieurs me demandent à moi comment orienter leurs fusées qui vont faire décoller. Chaud. Mais t'es calé, ton fusée? Pas des masses. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson. Une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, évitez de grignoter. Ready? Fun Radio et InterBDE présentent le Festival Electro Grenoble. Vendredi 7 octobre à Alp Expo, soyez prêts. Fun Radio. Débarquez dans la plus grosse soirée étudiante de France. 15 000 étudiants sur le meilleur du son dance floor. 7 heures de mix électro. Non-stop. Fêtez votre intégration 2016 avec les plus grands DJ internationaux. Yeah, DJ Vinay, Firebeat, Blaster Jax et plein d'autres artistes à venir. Le Festival Electro Grenoble, vendredi 7 octobre à Alp Expo. Un événement Fun Radio. Le son dance floor. Infos et réservations sur funradio.fr et sur interbde.com. Hier soir, j'ai rencontré Pierre à un atelier cuisine mythique. Ses plats étaient trop bons. En plus, il est vraiment mignon. Pas étonnant que toutes les filles veuillent dévorer Pierre. Mais moi, je préfère Alex. Il est super maladroit, mais c'est justement ça qui me plaît. Rencontrez-vous à l'un des nombreux ateliers mythiques. Téléchargez l'appli gratuitement. Mythique. Show. Marion et Anso. Le Night Show. Du dimanche au jeudi, 22h minuit sur Fun Radio. Hashtag ça me rend ouf, c'est le hashtag qu'on a lancé là ce soir. Vous pouvez aussi réagir au 01 42 48 5000. Il suffit de nous dire le truc qui vous énerve le plus au monde. Ça peut être des petits gestes du quotidien. Moi par exemple, ce sont les gens qui reniflent au lieu de se moucher. Toi Anso, c'est quoi? Moi c'est les gens qui crachent, hein. Ça m'est encore arrivé tout à l'heure en venant à la radio en métro. Des gens qui crachent, mais alors ça vraiment ça me dégoûte, hein. Moi aussi ça me dégoûte, ah, je déteste ça. Et puis je comprends pas le délire en fait, pourquoi? Enfin je sais pas, avale ta salive comme ouais c'est ça. Ou alors si vraiment t'as plus envie, tu peux pas avaler, bah tu craches dans un mouchoir, enfin je sais pas. Merci. Je trouve que c'est vraiment un manque d'hygiène. C'est vraiment un truc sale. Oui c'est vrai. Voilà, je vous le dis comme je le pense, quoi. Oui Enzo du standard. Bah ça va, tout le monde crache, hein. Moi par exemple je crache toujours avec ma table tous les jours. Mec, oh mais non. Il est 22h18. Tu vas être interdit possible, de micro. Ça. C'est pas possible. Bon, Lorenzo de Neuilly sur scène, c'est lui qui voulait passer un coup de gueule à la base. Et il a un truc, moi je trouve, qu'on partage tous. Bonsoir Lorenzo. Salut les girls, est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Ah, alors, ça fait plaisir. Moi je suis content d'être là en tout cas. Eh ben, profite mon pote. Franchement, c'est un kiff de t'avoir sur l'antenne. Sauf qu'il y a une chose où je suis pas content, c'est les gens qui font du bruit quand ils avalent, tu sais, quand ils boivent, qui font des trucs comme ça, là. Ouais. C'est dégueulasse. Et je comprends. Ça m'énerve. Le pire, Lorenzo, c'est quand t'es au téléphone avec quelqu'un, avec un pote, qui mange en même temps, mais arrêtez de faire ça. Oui, c'est vrai. Téléphoner et après manger, ou manger et téléphoner. Et les gens qui mangent la bouche ouverte. Ah oui, c'est pas possible ça, ah enfin. Non, ça, on comprend pas ça. Ça reste dans l'ordre de l'intimité, mince. Amir, il aime bien faire un truc, c'est ouvrir sa bouche grand et montrer ce qu'il y a dedans. Ah, mais c'est vrai, j'ai déjà vu. Ça écœure. J'adore. Ça, c'est dégueulasse. Mais non, mais c'est son grand jeu au bureau, il me dit tout le temps, hey Anso, je me retourne, je me fais avoir à chaque fois. J'adore. Et il en a plein la bouche et il ouvre la bouche, quoi. J'adore. Et j'adore le faire quand je suis dans un restaurant un petit peu classe, quand j'ai la chance d'y aller. Ouais. Et je fais la blague et puis bah les gens ils sont oh là là. Bah oui, tu m'étonnes. Non mais en fait Amir, tu comprends que ça ne fait rire personne, hein. Ben, hey, on m'a dit un jour faut que ça fasse rire moi. On te l'a pas dit comme ça, je pense. Donc, c'est quelqu'un qui ne sait pas parler, hein. Bon ouais. Bah écoute, ton coup de gueule est passé. Bah merci beaucoup. Et... donc les gens qui font ça, arrêtez, franchement c'est affreux, c'est impossible. C'est vrai. Bien, écoute, tu peux t'endormir soulagé, petit homme de Neuilly-sur-Seine. On t'embrasse, merci Lorenzo. Merci beaucoup. Plein de bisous, Lucie. Bisous à toi. Bisous. Est-ce qu'on se fait un petit tour d'équipe? Les gars, qui a un truc qui l'énerve, là? Amir, par exemple? Alors, moi, ouais, il y a les gens qui rigolent pour rien. Mais tu dois détester, moi, je me marre pour rien tout le temps. Non, parce que toi, t'es drôle. Ah. Mais il y a des gens, des fois, ils parlent, ils rigolent pour rien. Et... ou les gens hyperactifs à 7h du mat, tu vois, genre. Oh, bah ils ont raison. Non, mais ils ont. Non, mais je sais, non. Mais fonctionne en fonction du temps, tu vois. Ouais, non, mais sans déconner, t'as toujours un mec dans ta classe ou un mec au bureau qui arrive qui a tout le temps la patate en toutes circonstances. Ouais, faux. Alors que de temps en temps, t'as envie d'avoir un peu de calme, tu vois. Ouais, d'accord. Et puis les gens qui ont de la bave dans les coins des lèvres. Ah, ouais, d'accord. Alors, lui, il y a plein de trucs qui l'énervent, quoi. Ouais, ouais. Mais sinon, tu aimes l'être humain. En fait, non. Enzo du standard, hashtag ouais. Ça me rend ouf, dis-moi. Moi, ça me rend ouf les fautes d'orthographe. Oh, je rêve. C'est le mec qui dit ça. Il fait tellement de fautes. Oui. Dès qu'on te donne la charge des réseaux sociaux, mon gars, c'est un truc de ouf. Il y a forcément une faute. Ouais. Tiens, fais un test. Donne-lui un mot compliqué, Anso, à épeler. Chartreuse. Bon, c'est facile. Ouais. Non. Parallèlement. Ah ouais. Ouais. Parallèlement, vas-y. Ah, ça, je bégaye à chaque fois. P-A-2-R. Non. Mais, stop. Non. P-A-R-A, en fait. Hein. Mec, tu vois, t'es nul. Ouais, je suis nul. Sachez juste un truc. Sur tous les réseaux sociaux, quand il y a un problème. C'est Enzo. C'est Enzo. Ouais. C'est sûr. Désolé. On va demander à notre gagnant du soir, Théo. Il y a un truc qui t'énerve, toi? Ouais, c'est classique, mais c'est les gens au cinéma avec le pop-corn. Ah, je suis d'accord. Ah, ouais. Bah oui, alors je suis d'accord avec toi, Théo, mais en même temps. Le pop-corn, il est là, faut bien le manger. Donc quand tu vas voir un film d'auteur, bon, ça m'arrive pas toutes les 5 minutes, tu me diras. Mais c'est vrai qu'effectivement, le pop-corn fait plus de bruit que quand tu vas voir un film d'action. Oui, Yannick, au standard. Il y a pire au cinéma. Quoi ? Le téléphone portable. Ah ouais, mais ouais, ça c'est ouais. Rare, hein. Ouais, mais ça, c'est vrai. Il a raison. Le téléphone qui sonne en plein film, c'est horrible. Mais moi, je suis d'accord. Tous les bruits, même le gars qui boit son coca, qui mange ses pop-corns, ça m'énerve. Les gens gars, qui chantent et tout. Mais les gars, qui chantent aussi. Mais non, mais arrêtez d'aller au ciné, mater des films chez vous. Ouais, c'est ce qu'on fait. Bah non, mais. Bah moment. Oui, mais bon, on aime bien aussi l'ambiance du cinéma. Faut faire des compromis. Ouais, je comprends tout à fait. Thibaut, à l'arrière, il y a un truc qui t'énerve, toi? Ah ouais, moi, je suis révolté contre les gens qui te piquent des frites au McDo. Ah, je suis d'accord. Frites. Putain! Non, mais pas qu'au McDo. Les gens qui piquent la bouffe en général. Ah non, mais moi, je suis intraitable. Je déteste les gens qui me piquent la bouffe. Marion, elle pique dans tous les Non, je le fais à vous deux, c'est tout. Je non, le ferai jamais à des gens que je connais pas ou moyennement. Eh ben moi, par exemple, ça me dérange pas du tout. Parce qu'en fait, depuis que je suis petit, on m'a tellement appris à partager et à toujours donner. Non, mais attends, moi je partage, hein. Mais sauf que ma bouffe, c'est, je deviens taré. Moi, j'ai mon assiette qui est dans mon assiette. Je peux vraiment être me fâcher avec quelqu'un qui me pique quelque chose dans mon assiette. Ah, moi, tu vois, par exemple, la bouffe, les boissons, tout, je m'en fous. Je pourrais. Eh ben, ah, je donne. Bien. Je suis comme ça. Ouais, bon. Pas les Bravo. Frites. Pas les frites du McDo. Il y a Mégane de Paris qui était avec nous. Bonsoir Mégane. Salut les filles. Ça va Mégane? Ouais, super, et vous? Ouais, très bien. Est-ce qu'il y a un truc qui te rend ouf, toi? Alors, moi, il y a quelques trucs, genre les frites au McDo, effectivement, je déteste, mais moi, c'est surtout mon mec. Il y a un truc qui le rend complètement barge, c'est qu'on ferme la porte du frigo. Du frigo, du micro-ondes, pardon. Ça le rend complètement barge. Donc, du coup, chez moi, la porte du micro-ondes est constamment ouverte. Mais, ouais. Mais pourquoi? Ça le rend ouf? Parce qu'en fait, il supporte pas le bruit de la porte qui claque. Mais ça c'est presque un toc en fait. Je pense que c'est un toc. Mais j'avais un pote aussi qui était comme ça, qui aimait pas la porte du micro-ondes comme ça qui ah se bon fermait. Ouais. Mais je vois pas le truc parce que c'est c'est un bruit de porte quoi. Bah oui, mais non en fait que ça fait vraiment un bruit de micro-ondes quoi. Ouais. Il y a vraiment un bruit spécifique qui claque et qui est un peu insupportable. D'accord. Et eh ben écoute, compliqué de vivre avec ton mec, mais enfin si tu le supportes. Bah on a toujours la porte du micro-ondes ouverte quoi, c'est tout. Bah c'est sympa chez vous, c'est insolite. On t'embrasse Mégane. Moi aussi, gros bisous les filles. Bisous. Bisous. Amir, sur les réseaux sociaux, je suis sûre qu'on a du hashtag ça me rend ouf. Ophélie, la licorne. Que hashtag ça me rend ouf quand quelqu'un mange la bouche ouverte. Ouais. Quand quelqu'un passe devant la télé quand je regarde mon émission favori. Ouais. Hashtag ça me rend ouf quand je dis tiens, regarde vite à la télé et comme par hasard, quand la personne se tourne, il n'y a plus rien. Ah ouais, moi aussi, ça m'énerve. Melric 59, que les filles se moquent des sourcils d'Amir, il a rien demandé. Oh, ça va. On se moque pas, on rit avec ses sourcils. Calimero. Cassandra KF, ça me rend ouf les gens qui mâchent leur chewing-gum la bouche ouverte. Ouais, ouais. Pareil. Et ça me rend ouf de me réveiller 30 minutes avant mon réveil et de me rendormir 5 minutes juste avant la sonnerie. C'est vrai. T'es tellement fatigué. Alors que quand tu te réveilles et qu'il te reste 4 heures de sommeil, est-ce que c'est pas le kiff absolu? Ah si. Ouais. T'es tellement bien. T'es trop crevé, tu regardes et tu te dis, mais il reste encore 4 heures, quoi. Waouh! C'est comme gagner au loto, quoi. Ah, c'est ouais, je fais la fête et ouais, tout. Ouais, j'ai jamais gagné au loto. C'est mieux que gagner au loto. On a Sébastien de Nice avec nous. Bonsoir, Seb. Salut, Nice. Salut, Marion. Salut, Anso. Salut, l'équipe. Salut. Ça va, Seb? Ah, ça va très bien. Quand je vous écoute, ça va toujours. Oh, t'es un beurre. Dis-nous, qu'est-ce qui t'énerve? Moi, ce qui me rend ouf, c'est les gens qui te répondent toujours, oui, mais. Je fais mieux que tout le monde, tu sais. Ah non! Bah non, en fait, t'en as deux. T'as, Sébastien, je peux comprendre. T'as les gens qui savent mieux que tout le monde et ça peut être agaçant. Mais le oui, mais, c'est toujours pour se justifier. Bah oui, c'est ça. Ouais, ouais, aussi, ouais, ouais, exactement. Tu vois, c'est genre oui, mais. Mais c'est vrai, il a raison, c'est toujours des gens qui ont quelque chose à dire, quoi. Ouais. Ils peuvent pas dire oui, non ou merde, tu vois. C'est oui, mais tu comprends, mais nanana. Ouais, mais bon, voilà. Ça... Ouais, quand tu leur expliques quelque chose, que. Voilà, tu leur expliques un truc. Et qu'ils te demandent oui, mais. Anso, elle est énorme parce qu'elle vient juste de faire un oui, mais. Mais non, c'est pas ça, mais c'est qu'effectivement. En fait, on se rend pas compte, mais c'est un truc qu'on fait inconsciemment. Oui, mais de temps en temps, ça va. C'est comme le. C'est ça, tu viens de le faire aussi. C'est comme le problème, c'est que. Ou le truc, c'est que. C'est on a un patron ici à Fun Radio qui s'appelle Lucas, ça le rend ouf. Mais il peut péter un plomb. Parce que quand pour lui, il n'y a jamais de problème, c'est que des solutions à chaque fois. Oui, ouais, c'est vrai. Ah, c'est pas lui qui les trouve. Hein. Bah non. Et puis avec des si, on refait le monde. Hein. Oh bah ça, et puis avec tout ce qu'on nous aurait dans le ciel, Thibaut. Je suis en train de me concentrer depuis tout à l'heure pour pas dire oui, mais là. Donc c'est compliqué, mais on est d'accord. Merci de nous avoir appelés. Merci les filles. On t'embrasse mon Seb. Gros bisous, bonne soirée. Bisous. Est-ce que Théo, tu as envie que je demande à Pépère ce qu'il en pense s'il y a un truc qui l'énerve? Bah évidemment, vas-y Pépère. Ah bah, Pépère, dis-nous. Pépère, lui ce qui l'énerve le plus, c'est quand il doit laisser la place aux femmes enceintes dans le bus. Ah bah non, ça t'es obligé, tu vas pas laisser, c'est debout quand même. Bah j'en ai rien à foutre, elles prennent toute la place avec leur gros bide et leur gros cul là. Oh bah hé, bah oui. Mais ça va pas la tête. La violence. Bah il manquerait plus que je fasse un deuxième gosse. Mais c'est. Parce que t'en avais un. C'est des femmes enceintes, hein? Bah oui. Bah respecte. Bah et alors, Pépère aussi, il est enceinte. Bah bon, depuis quand? Bah il est enceinte depuis quelques semaines. Vous savez, Pépère, il est dans Secret Story. Ouais, d'accord. Bah oui, c'est le secret, un homme est tombé enceinte. Tu serais pas en galère, là? Ouais, un peu, j'ai un peu. Merci, Enzo. Bon, restez avec nous, puisque dans un instant sur Fun Radio, elle arrive et elle sera en live avec nous. C'est Zao. Si vous avez des questions à lui poser, bah vous nous appelez dès maintenant. 01 42 48 5000. En plus, le numéro est totalement gratuit. Donc, paf! Ça tombe bien. Et pour le son tout de suite, The Parakeet, je suis complètement fan de ce titre. Ah bah oui. Okay. Save me sur Fun Radio. About to land, after years of joy, life was a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground, hard to walk again. You told me how to fly, you drove my hand. You saved me, save me. please leave me again. Save me, save me. Shoot me down, blow me down. Save me, kill me. Shoot me down, blow me down. Je déclare le Night Show de Marion et Anso ouvert. Le Night Show. Night Show. Show. Sur Fun Radio. Et oui, les amis, elle est là, elle est belle, elle est fraîche, elle sent bon. C'est Zao, les gars. Laissez les poumas. Ça va? Ça va très bien, je suis très contente d'être là. Quel accueil. Waouh, waouh, waouh. Eh bah, bienvenue, ça nous fait hyper plaisir de te recevoir. Sache que dans cette équipe, nous sommes absolument fans de cette chanson. Ah mais c'est-à-dire que, je t'explique, on a passé notre journée à chanter la chanson. Et vous en avez marre encore ou pas? Non, non, pas du tout. Non, ah, ça qui est bon. Alors, tu me diras, on n'est pas les seuls, les gars, à en avoir marre, puisque 25 millions de vues sur le clip. Ouais, c'est pas un délire. Énorme. Oh, c'est énorme. Mais comment ça Ça, c'est qu'à vous deux, hein, vous avez fait les... Attends, il est sorti quand ce clip? C'est quand même ouf. Il est sorti il y a un mois et deux semaines. Mais tu t'attendais à ça? Non, pas du tout. On s'attend toujours à rien quand on est artiste. On est bourré de doutes, on fait des chansons et on sait pas trop voilà, où elles vont atterrir. Là, mais c'est violent quand même. En même temps, t'as une longue carrière et tout. Tu te doutes pas maintenant quand t'enregistres un titre? Bah, justement. Plus on est là et plus, enfin, plus on se dit, bon, ouais, mais voilà, rien n'est acquis, quoi. Je pense que t'avais le feeling. Celui-là, tu l'as enregistré, tu t'es dit, ça sent bon. Ouais. Ouais, c'est vrai que quand on s'est retrouvés sur la table à danser tous, à déconner en studio, on s'est dit, il se passe quelque chose. Ouais. Il se passe quelque chose. Bon, Zao, t'es en pleine prépa ou alors il est fini? Comment ça se passe? Je sais que l'album sort en février. Est-ce qu'on est sur la fin? Si je devais le sortir demain, il est fini. Si je dois pas le sortir demain, je continue. Ah, c'est voilà. Ça le truc. Ah, oui, jusqu'au bout. Donc en fait, j'ai à peu près 22 titres. Waouh. Mais tant que c'est pas fini, voilà, je continue à chercher, à créer. L'album sort en février, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise. À chaque fois, on veut faire mieux. Mais donc, du coup, ça veut dire quoi qu'en février, peut-être qu'on va tomber sur un album de 46 titres? Pas du tout, pas du tout. Je sélectionnerai le meilleur pour vous. D'accord. Ah bah, en tout cas, ça te donnera une occasion de revenir nous voir en février, sache-le. Exactement, avec grand plaisir. Bon, Zao, on a plein de questions, on a des petits jeux pour toi, ça va bien se passer. Est-ce que tu es prête à répondre à tout le monde? À tout le monde, je ne sais pas, mais... T'inquiète pas. Bah, déjà, Christine nous a appelé de Montluçon. Est-ce que tu connais Montluçon déjà? Bien évidemment, très connue région de à côté de, tu sais, ouais, on y mange des très très bons steak frites. Bonsoir, Christine. Salut Marion, salut Anso, salut Zao. Salut. Salut. Vous allez bien? Oui, et toi? Et toi? Oui. Zao, tu me reconnais, non? Bah ah bah là c'est Chris. Compliqué. Chris, non. C'est Chris de la team. Ok. Ah okay, ouais. Salut Chris. T'es sur Twitter? Bah oui, Chris, salut Zao. Ok, pardon. Oui, je vois tout à fait. Ok, ok, ok. Comment vas-tu? Bah bien, et toi? Bah super. Nickel. Je voulais savoir comment t'avais fait pour gérer en fait la tournée du roi Arthur et pour écrire tes textes en même temps, en fait, pour tout gérer. Parce que la tournée a été assez intense. Et je sais pas comment. Enfin, je voulais savoir comment t'avais fait pour tout gérer en fait. Bah en fait, une fois que la tournée est rodée et qu'elle tourne, celle du roi Arthur, Il y a pas de place à l'imprévu, donc tout est ficelé. Il y a plus de création à faire. On a juste à refaire la même chose tous les jours, à chaque prestation pendant 2 heures de temps. Donc j'avais beaucoup de création à faire moi de mon côté sur mon album, et j'avais vraiment envie de créer. Dès que j'arrivais à l'hôtel, j'écrivais des textes ou j'avais des idées, j'envoyais sur WhatsApp des idées avec ma guitare ou un piano qui traînait dans un zénith, et voilà. Donc on s'échangeait comme ça avec les producteurs, avec tous les gens avec qui j'ai collaboré. Mais ça, c'est quand même assez hallucinant. Il y a Gims qui est passé en interview chez JBIA, on a reçu Soprano aussi cette semaine. Vous avez ce don de pouvoir créer avec un bout de guitare, un bout de piano, comme ça. Ça vient comme ça. Ouais, c'est ça. Moi qui j'en ai à foutre. Moi je rentre, il est 2h du match, je joue un petit coup de piano, je sors un truc. Et puis ça vient. Qui j'en ai à foutre. Alors voilà. Que si nous on faisait ça. Alors que moi j'ai 33 ans, je t'en ai pas pendu. Hein. Chacun son talent. Et je tenais à féliciter Zao aussi pour tout ce qu'elle a fait, pour les titres, pour Céline Dion, les derniers titres. On a hâte d'écouter la suite. Oui, c'est vrai. Et je te dis après-demain aussi. Ok, d'accord. Écoute, après-demain, c'est où déjà? C'est à Orléans. Orléans, on se voit à Orléans. Et ok, d'accord. Parfait. C'est une plusieurs compagnies là. Écoute, elle le connaît mieux que moi. C'est là où elle est très très forte. En tout cas, je te fais des bisous et je te dis à. Gros bisous ici à samedi. Ciao, ciao. Bisous, Zao. Merci. Bisous, merci. Ciao. C'est vrai que quel honneur d'avoir écrit pour Céline Dion quand même. Hein. Ah oui, oui, oui, c'est incroyable. Bravo. Quoi. C'est vrai que c'est. Voilà. Tu es pleine de ressources, Zao. Eh ben, c'est gentil. Écoute, ça n'arrive qu'une fois dans une carrière, je pense, de se dire que j'ai touché vraiment de très près. J'ai côtoyé une grande diva et ouais. J'ai pu lui écrire, enfin, elle a chanté, elle a quand même chanté mes textes et mes mélodies. Et c'est vrai que, voilà, rien que pour ça. Mais tu le mérites. I can die tomorrow. Alors, Zao, on va jouer ensemble dans un petit jeu qui est très très simple, puisque dans les paroles de la chanson, Laissez les Koumas, on est d'accord, tu dis, j'ai les oreilles qui sifflent. Tout à fait. Carton rouge. Carton rouge. Voilà. Du coup, on va te donner plusieurs situations et tu devras nous dire si dans cette situation tu donnes un carton rouge, un carton jaune ou pas de carton. Et le monde est bien fait puisque j'ai des cartons rouges, des cartons jaunes et pas de carton. D'ailleurs, authentique, certifié voilà. Par la FIFA. Voilà. Magnifique. Donc sois la plus honnête possible, d'accord? Si un mec t'invite au resto et te demande de partager l'addition, qu'est-ce qu'on lui met? Un jaune. Ah. J'explique pourquoi. Parce que comme je suis canadienne, en Amérique du Nord, il y a toujours les serveurs en fait ramènent toujours des factures séparées. Que tu sois en couple, marié, ah que bon tu sois avec ta maman, ah ton ouais père, tes enfants, toujours. Enfin les enfants peut-être pas, mais tu payes ta part aujourd'hui. T'as été méchant. Ah ouais. Et du coup, c'est une culture ancrée. Moi, j'aime pas ça. Mais ça arrive et si les potes, on va dire des connaissances, parce que ça serait pas des potes, ouais. Voilà, ils décident de payer leur part, voilà, c'est pas grave. Hein. Okay, en général, j'ai le réflexe de prendre le tout et de payer. Voilà. Zao, si un mec te siffle dans la rue, carton rouge ou carton jaune? Rien. Gifle. Oh. Ah, gifle direct. gifle. Si ton propre mec oublie ton anniversaire? Ah, je vais me dire que c'est une blague, c'est pas possible. Ouais, on va faire genre, il y a une surprise de fou qui m'attend après. Non, c'est carton et rouge. Direct. Écoutez-nous d'ailleurs, auditeurs de Fun Radio, nous sommes 3 filles hein, à ne surtout jamais oublier de votre vie ouais l'anniversaire de votre meuf. Tellement vexant. C'est la fin. Si un mec porte des slips. Oh, carton jaune. Oh non, c'est dégueu. Ça dépend. Porte sur quelque qui chose déjà, ça va. Ouais. Oh. Déjà, slip, et ça dépend sur qui. Un mec oui, ultra gaulé qui porte un slip, je vais te dire. Il n'y a pas 36 Beckham qui peuvent le faire. Hein, dans ces cas, je vais te dire, Marlon, moi je suis team slip. D'accord, non, je sois team slip. Si un mec s'épile intégralement, carton rouge ou carton jaune? Oh non, on est en 2016, ça va. Ok, donc pas de carton, t'as le droit. Non, pas de carton. Si un artiste reprend l'une de tes chansons sans te demander? Eh bien, c'est pas de carton parce que c'est légalement son droit. Ah, mais ça te saoule quand même, non? Bah si c'est bien fait, non, ça me saoule pas. Ah ouais, au contraire, ça veut dire qu'il a assez kiffé pour massacrer ma chanson derrière. D'accord. Il y a plein de gens qui font des covers, tu sais, elles sont pas toutes ouf, mais ça me touche à chaque fois de savoir que j'ai touché cette personne au point qu'elle apprenne les paroles, qu'elle se prenne la tête, etc. Si un fan prend une photo de toi pas coiffée sans maquillage et la poste ensuite sur Twitter. Je kidnappe son téléphone. Direct. Carton rouge cash. Si on te propose de participer à Danse avec les Stars, c'est intéressant. On m'a déjà proposé. Et j'ai déjà passé des castings, donc je le fais, ouais, pas de problème. Bah, il devrait te prendre, franchement. C'est chambé. Bah oui, mais je pouvais pas, j'avais une tournée derrière, donc. Oh, ouais. Dommage. Si t'es buzzy aussi. Et si on te propose un rôle dans Plus belle la vie? Je le fais. Mais oui, ah, voilà. Mais je le fais carrément. Oui, team plus belle la vie. Mais tu regardes aussi ? Non. Ah ouais, non. Merde, tu m'as fait peur. Non, mais tout le monde en parle tellement que j'ai envie de rentrer dans l'histoire, tu vois, de la France. C'est, ouais. C'est plus belle la vie, c'est ça. Hein. Il y a combien d'épisodes par saison ? Oh, bah, 1000. Ouais, mais voilà. Il y en a un tous les jours, même voilà. Ça ne s'arrête jamais. Bah voilà. Si un mec a de plus gros sourcils qu'Amir ici présent. C'est je peux mettre le carton rouge direct. Hein. Et qui vend des falafels au coin de la rue. Non, on n'a pas été jusque là. Je suis blessé, je suis vexé, j'ai envie de. Bah, je veux me battre. Bah, à New York, c'est ça, hein. Les mecs qui vendent des hot dogs, ils ont tous des sourcils là. Comme ça, ouais. Ah, bah oui, clairement. Ah, j'ai une belle carrière, c'est m'attend. Ouais, mais carrément, tu devrais partir à New York. Moi, je serais toi. Ça te va bien, ces petits sourcils. Ouais. Ouais, c'est, ouais, bah, ouais, c'est malaise, là. Et Zao, si t'es plus forte au foot que ton mec. Je suis probablement plus forte au foot que mon mec. Mais oui, on a vu ça, il paraît que t'es une taulière en foot. Taulière, je n'irai pas jusque-là, mais pour une fille, je me démerde pas mal. On a vu des vidéos. Et si on t'amène un ballon là, tu peux nous faire une dribble ou pas ? Je peux tenter. Une dribble donc, hein ? Ah, moi aussi, je vais tenter après. Une. Ah. Bah alors, vas-y. On vous filme tout, évidemment. Zao est debout, elle va tenter la dribble. Bim, bim. Ah bah ouais, effectivement. 5, 6 déjà quand même. 7, 8. Eh bravo Zao. Eh franchement, bravo, mais je suis pas capable d'en mettre un ou deux quoi. Bah moi non plus, j'en suis incapable. Elle est balèze hein. Et bim. Oh loulou. Franchement. Attends, elle a jeté le ballon, elle l'a récupéré derrière son cou quoi. Non mais franchement. Hop là. Ah oui, le garde. Eh là là. Ah là là, d'accord. Bon bah écoute, Zao Zidane, félicitations. Alors ce qui va se passer, c'est qu'on va retrouver Zao qui reste avec nous dans un instant. Si vous avez des questions, d'ailleurs appelez-nous 01 42 48 5000. Et puis puisque je ne sais ni composer ni faire du dribble, je vais quitter ce pays. Moi je vais essayer de dribbler là quand même dans un instant. Mais t'as pas les sourcils qu'il faut pour. Ah bah voilà, voilà. Mais je pourrais jamais vendre des hot dogs. Alors, bon restez là, on se retrouve juste après. Alex Ayono sur Fun Radio. Baby, I like your style. On your waist, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray I make it back in one piece. I pray, I pray. And that's why I need one dance. Got an NC in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on. Was taking a hold of me, baby. I like your style, strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. Como tú te amas, yo no sé de dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. Como tú te amas, yo no sé de dónde llegaste ni pregunté. Lo único que sé es que quiero con usted quedarme contigo hasta el amanecer. Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que no necesita. Mirando una chica tan bonita, pregunta por qué anda tan solita. Ven dale ahí, ahí, moviendo todo eso pa' mí. No importaría un man ni el país, ya vámonos de aquí. Que tengo algo bueno para ti, una noche de aventura que viví. Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle. Rumbiando y bebiendo a la vez. Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer. Time for I go. Higher powers taking a hold. I need one dance. Quedarme contigo hasta el amanecer. Alex Ayono sur Fun. C'est Marion et Anso, le Night Show avec Zao ce soir qui est venu. Mais qu'est-ce qu'on l'aime, Zao? Ouais. Je l'adore avec son featuring avec MHD. Premier single de son troisième album qui arrivera en février 2017, les amis. Soyez là, il y a une tournée des Zéniths aussi là, qui se prépare en fin d'année. Mm-hmm. Enfin bref, gros programme qui s'annonce. Est-ce que je peux remettre des titres à l'ancienne un peu ? Je peux me faire kiffer ou pas ? Ah ouais, c'est toi qui fais, c'est toi qui fais. Tu veux laquelle ? Je te promets. C'est marrant, hein. J'adore. C'est plus les mecs qui sont... Ah, je la surkiffe, mais puissance 1000. Alors que les filles, je suis sûre que c'est celle-là. C'est chelou, en fait. Ouais. Ouais, là, là c'est... J'adore. Moi aussi, j'adore ça. Bon, bah, il y a que du tube, il y a la retourne aussi. La retourne. Pardon. Meuf sans flamme. Et alors, moi, je vais faire un petit live. Le prochain single, il est prévu pour quand? Pour très bientôt. Pour. On fait un signe de deux? Non, deux jours, non? Ah, carrément. Deux semaines. Ah, deux semaines. Ah, ouais, c'est là, deux jours. Semaines, voilà. Dans deux semaines, d'accord. Eh ben, on est prêt. On a encore la question pour toi, Zao. Il y a Elina de Beauvais. Tu connais Beauvais? Ah oui, Beauvais, je connais, ouais. Bonsoir, Elina. Salut, Zao. Salut, les filles. Salut, toi. Ça va? Bah, ça va. Alors, dis-nous, t'avais une question? Oui. Alors, en fait, j'aime beaucoup, beaucoup Zao. Et je suis prof de français et j'ai travaillé sur ses paroles il y a quelques années dans le duo qu'elle faisait avec Sean Poulain. Ah, c'est génial. Dans Roll My Hand. Ça me fait ouais. super plaisir. Ah, c'est fort. Ouais. Ouais, alors j'adore la musique, mais les paroles sont aussi super canon. Donc j'avais travaillé sur les figures de style, tout ça, sur ces paroles. Et j'avais une question par rapport à ça, par rapport à Sean Paul, surtout. Je voulais savoir comment il était en vrai, ce que tu as chanté avec lui, Zao. Et voilà, c'était aussi canon en vrai. On a chanté ensemble, mais en vrai, il est archi sympa, il est archi accessible. Il lui arrivait par moments d'oublier mon prénom, mais ça c'est pas de sa faute, parce que c'est quelqu'un qui consomme un petit peu du thé à la menthe. Oui, évidemment. Sinon c'est quelqu'un de très cool, et j'avais même revu en Jamaïque quand j'étais en vacances, donc c'est vraiment quelqu'un. C'est pas juste un duo comme ça où chacun a fait sa vie. On est vraiment resté en contact. Et oui, parce que ça arrive souvent. C'est-à-dire que ça arrive de temps en temps que des artistes français fassent des duos, mais qui se rencontrent pas forcément et que ils enregistrent leurs choses chacun d'un côté. Oui, c'est les mariages de maisons de disques, mais là c'était pas le cas, donc c'est cool. Si, enfin, tu l'as vu quoi. On a bossé ensemble, mais c'est quand même, je pense, les deux maisons de disques ont dû se mettre d'accord. Bah oui, pour j'espère. Qu'on fasse le duo. Mais en tout cas, j'ai adoré le personnage. Il est très très attachant. Nous aussi, on l'avait reçu dans l'émission. Oui. Et effectivement, nous avons beaucoup ri. Oui. Gentil garçon. Elina, on t'embrasse. T'avais une autre question? Non, mais je vais écouter le prochain album, en tout cas, de Zao, et je suis bien contente qu'elle continue à faire de la musique. Alors, Elina, si je peux me permettre, le prochain single, il y a plein de... Enfin, ma manière d'écrire, elle contient plein de styles figures de style qui peuvent intéresser ta classe. Je dis rien. Top. Voilà. Okay. Voilà, Elina, régale-toi, petite femme. À dans deux semaines, alors. Super. Ça marche. On t'embrasse, ma belle. Merci Bisous. Beaucoup. Bisous. Bon, je sais que vous êtes hyper nombreux et nombreuses à vouloir poser une question à Zao. Eh bien, il y en aura pour tout le monde. Oh, on se détend, les gars. 01 42 48 5000. Appelez-nous. Et puis, Zao nous fera un live tout à l'heure. J'ai l'impression qu'on va bouger nos boules, l'équipe, non? On va jouer avec elle aussi. Ouais. Hein. Allez, restez là. On est en direct jusqu'à minuit. Bruno dans la radio. Ce matin, c'était ça. Tu peux désormais sur ton profil Tinder mettre ton hymne, la chanson qui te représente le mieux. Christina. Moi, la chanson qui me représente bien, c'est une chanson de Michael Jackson. C'est Don't Stop to Get It Enough. Exactement ça. Bruno dans la radio. Bruno. Reviens demain sur Fun Radio. Hier soir, j'ai rencontré Mathieu, un dîner mythique. Il est mignon, drôle, sexy. Bref, toutes les filles de la terrasse ont flashé sur Mathieu. Mais moi, j'ai craqué pour Vincent. Il est timide, mais c'est justement ça qui me plaît. Rencontrez-vous à l'un des nombreux dîners mythiques. Téléchargez l'appli gratuitement. Mythique. J'arrive chez McDo, je prends un menu McFirst à 4,95€ quand deux agents secrets m'embarquent. On arrive dans une base ultra secrète où des mecs bossent sur une équation de physique moléculaire et me demandent la solution. Mais tu t'y connais en physique moléculaire? Ben non, je suis en L. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson, une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Emmenez Fun Radio partout avec vous, avec l'appli Fun Radio, sur iPhone. Salut, c'est DJ Snake sur Fun Radio. floor. Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna. I ain't giving you a dollar. This time I ain't gonna run away. You might knock me down, you might knock me down, but I will get back up again. You can call it how you wanna. I ain't giving you a dollar. This time I ain't gonna run away. Et l'invité de Marion et Anso dans le Night Show sur Fun Radio. Le Night Show. Night Show. Sur Fun Radio. Oui, vous pouvez encore lui poser des questions. 01 42 48 5000. Zao est là, il y a le prochain single qui sort d'ici deux semaines. L'album en février 2017. On a parlé un peu hors antenne, l'album sont très bons. Ah voilà. Oui. Voilà, on sait pas encore tout, les featuring, tout ça. On va pas tout dévoiler, mais ça sent bon. Si, si, elle nous a dit beaucoup d'exclusivité. Parce qu'on est ses potes. Voilà. Mais en vrai, on vous dira. Bah oui, entre filles, on peut tous dire. On vous dira quand elle sera partie. Je rigole évidemment. Bon, continuez à nous appeler. On va jouer dans un instant aussi, Zao. Tu vas voir. On a prévu un truc. On sait pas où ça va nous mener. Voilà. Ah, je te le dis. Ah, je vais te dire. Un risque et péril. Voilà. Ah, c'est-à-dire que c'est un truc, c'est du jamais vu. Alors on sait pas comment ça va se passer. Ça passe ou ça casse. Il y a Leïla qui est avec nous. Bonsoir, Leïla. Coucou tout le monde. Coucou Zao. Coucou Leïla. J'aime beaucoup, beaucoup Zao. Oh, c'est gentil. T'as quel âge, Leïla ? 13 ans. Oh, t'es trop mignonne. Juste comme ça, Leïla, j'ai envie de l'adopter, tu ouais, vois. Ouais, c'est vrai. Chou, oh, juste trop mignon. Vas-y. T'as une question pour moi, Leïla ? Oui, je voulais savoir quelle a été ton inspiration pour l'album. Ah oui. Alors la question qui peut durer 2 heures. Mon inspiration, c'est ce que je vis. Pas forcément tous. Enfin. Tout ce que je raconte n'est pas forcément autobiographique, mais en tout cas, c'est des thèmes qui me touchent de près ou de loin. C'est mon interaction avec les autres, c'est mes déceptions, c'est mes joies, mes victoires, mes... Enfin voilà, je parle un peu de tout ce qui peut me toucher, parce que j'aime bien raconter des émotions dans les chansons, que ça soit comme dans Laisser les Koumas, ben, l'émotion, c'est la nonchalance. On s'en fout, on y va, on continue. Ou dans un C'est chelou, c'est un peu colère. Ou un Je te promets, c'est mélancolique, etc. etc. Et ouais. Ah, il y a du sentiment là-dedans. Rappelez-vous. Je peux te dire. Il était une fois. Ah, je kiffe celle-là. Voilà, chérie, t'as eu ta réponse ? Oui. Bon, est-ce que merci tu veux, beaucoup. Est-ce que tu veux qu'elle te signe un petit quelque chose, qu'on t'envoie une dédicace ? Ah ouais, j'aimerais trop. Ouais. Déjà, Leïla, vous allez signer une procédure d'adoption. elle s'est quand même engagée devant la France. C'est vrai. On va t'envoyer ça, ma chérie, d'accord ? Je vous dis bisous, beaucoup, je t'aime Leïla. On t'embrasse, ma belle. J'aime beaucoup Zao, bisous. Bisous, ma chérie. Bisous. Bon, Zao, ton dernier titre, on l'a dit, s'appelle Laissez les Koumas. Ce qui veut dire en français, je ne sais pas si vous le savez, laissez-les parler. On est d'accord ? Oui. Du coup, on a décidé de prendre le titre de cette chanson au pied de la lettre. Mm-hmm. On va appeler une dizaine de monsieur et madame Kouma en même temps, puisqu'il y en a beaucoup dans l'annuaire de monsieur et madame Kouma. Pendant ce temps-là, nous, on va faire silence radio et on va laisser les Kouma parler en direct. Ouais, voilà. Allez. Alors, c'est génial. Ça peut être un gros bordel comme un gros moment de solitude parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Ils ne vont pas comprendre, les pauvres. Voilà, ils vont être appelés et ils vont devoir se parler entre eux. Le standard est sous pression, il faut appeler tout le monde en même temps. Et vous me les mettez en ligne dès qu'il y en a un qui décroche, ok ? Je vais vous dire, allez, en tout cas, les gars, on a bossé. Hein. Ah bah, laissez les Kouma, ça mouline. Attention, dès que ça décroche, on s'arrête de parler. Ça se trouve, il n'y en a pas un qui va décrocher, tu vois. Allô ? Allô ? Oui ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Oui, allô. Oui, bonsoir. Vous m'appelez, là ? Allô, ça va ? De quoi ? Oui. Allô ? Oui. Oui. C'est quoi ce bordel, là ? Pourquoi vous m'appelez ? Qui vous a appelé ? Allô ? Mais allô, vous êtes bizarre, les gens. Hein. Vous m'appelez ? Arrêtez de dire. Pourquoi vous m'appelez, monsieur ? Vous êtes créateur ? Non. Vous allez me descendre un peu, là. Là, je suis tranquille devant ma télé, la maison là, j'allais me coucher et vous me saoulez tout. Moi, je suis dans le lit, monsieur. Je dis, arrête de dire n'importe quoi, on vous a pas. Mais je m'en bats les couilles, que tu es tranquille chez toi. Moi, là, je suis tranquille, là, il faut pas. Eh, vous m'entendez, c'est quoi ce problème ? Non, vous avez que ça à faire, mais les gens, ils m'appellent. Allô ? Eh oui, ça va, arrêtez là, les gens, c'est bon, moi j'en ai marre. Pourquoi vous m'appelez là ? Ça fait déjà plus. Il en reste un. Ah. Mais pourquoi vous m'appelez là ? C'est quoi ce problème là ? Mais ils sont graves les gens. C'est monsieur Kouma ? Allô ? Maintenant il y a les femmes. Allô ? Oui, c'est monsieur Kouma ? Oui, bonsoir. Bon bah allez-y monsieur Kouma, parlez. Comment ça parler ? Pourquoi vous m'appelez madame ? Bah c'est le but de la chanson. Hein. Non, faut qu'on lui dise le pauvre. Oh c'est le parti. Pauvre. Allez, parti, salut. Allez, parti. Bon bah c'est bravo. Alors là. Ah ouais. Moi, j'ai hâte qu'on refasse ça avec d'autres noms. Hein. Ah, c'est vrai. Franchement, c'était génial. Parce que alors, on s'excuse. Nous nous excusons auprès de tous les Kouma de la planète entière. Je ne l'ai pas fait dans ce sens-là. Bon, en tout cas, c'était drôle. Ouais, t'inquiète, on va tous les rappeler pour leur expliquer. Mais ils étaient bien. Franchement, c'était énorme. Un beau bordel. Mais bravo, les gars. Moi, je trouve que c'est une affaire qui a roulé. Ouais, moi va, aussi, je trouve que c'est pas mal. Bon, Zao, j'ai très envie que tu ailles au micro de Fun Radio et de ce studio pour nous faire un live de Laisser les Kouma, justement. J'ai envie que tout ce studio, là, on fasse un peu n'importe quoi. Oui, allez, on va danser. Hein. On va danser. Et voilà. Ah bah oui. Mais pourquoi t'as parlé comme ça ? On va danser. Écoute, tu danses de la façon dont tu veux, Amir. Ouais, okay. Y a pas de souci. Bon, Zao en live, en tout cas, c'est tout de suite. Laissez les Kouma, c'est tout de suite sur Ouais, ouais, ouais. Kouma, Kouma. Laissez les Kouma. Il ou elle a dit les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne le dirai qu'à toi, ne le dis à personne. Il ou elle a fait, je crois qu'il y a eu mal donne. Ça m'étonnerait vraiment que quelqu'un lui pardonne. J'entends des bruits de couloir au loin qui résonnent. Que ce soit vrai ou faux, tout le monde en fait des tonnes. Et si l'ami de tout le monde est l'ami de personne. Laissez-moi au night show, ici l'ambiance est bonne. Non, tu n'as pas idée. Pourquoi verbaliser ? L'ambiance est validée. Le terrain balisé. Laisse-les parler. Demain on aura zappé. Laissez les Kouma. Laissez les Kouma. Laissez les Kouma. Tout le monde. Laissez les Kouma. Laissez les Kouma. Laissez les Kouma. Laissez les Kouma. Laissez les Kouma. Difficile de la rattraper, la rumeur court. Surtout qu'elle n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Ça fait des histoires, oui, ça fait déjà les bacs. La racontant souvent la mémoire courte. Quelqu'un m'a dit, ça ne sert à rien de nier. Ce qui est dit, mais c'est celui qui dit qui est. Ah, ça y est, on y est. Est-ce que tout le monde peut crier? Ouais! Non, tu n'as pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. L'ambiance est validée. C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. Laisse-les parler. Demain, on aura zappé. Laissez les Koumas. Laissez les Koumas. Laissez les Koumas. Laissez les Koumas. Laissez les Koumas. Laissez les Koumas. Laissez les Koumas. Laissez les Koumas. Attention, j'ai les oreilles qui sifflent. Carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent. Carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent. Le carton rouge. J'ai les oreilles qui sifflent. Ok, tout le monde bouge. Pas idée. C'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. Le terrain balisé. C'est chaud. C'est chaud. Laisse-les parler. Demain on aura zappé. Yeah. Laissez les Koumas. Laissez les Koumas. Laissez les Koumas. Laissez les Koumas. Laissez les Koumas. Laissez les Koumas. Laissez les Koumas. Laissez les Koumas. C'est les Koumas. Laissez les Koumas. Carton rouge. Le Night Show. Oh là là, mais qu'est-ce que c'était bon. Ah, on a dansé, hein. Vous êtes des super figurants, mais vraiment, je vais vous prendre sur le prochain clip peut-être. Ah non, mais on s'est éclaté. Franchement, viens nous rejoindre, Zao. Ah, j'ai chaud, mais elle m'a donné chaud, hein. Moi aussi, j'ai encore fait du sport. Alors, je peux vous le dire, j'ai fait l'hôtesse, hein. Dès qu'il y avait carton rouge, j'avais mon petit carton. Et puis, vas-y, et je te le mettais, et je te le mettais par là, et alors, et on y va. Et que Enzo du Standard te fasse des cœurs qui n'existent pas. Bah, attends, je fais les bacs, hein. Bravo, Zao, on a encore de la question pour toi. Reprends ton souffle. Oui, c'est Mathilde. Oh, ça qui va, est avec ça nous. Va vite fait. Allez, Mathilde, t'as. Vas-y, vas-y. Salut, Zao. Salut. Alors déjà ton live il était chambé, c'était trop bien. Merci, merci. Écoute, j'ai été perturbée par des sex symboles qui sautaient partout. Ah mais c'était parfait, c'était bon, trop bah, bien. Super, alors. Merci. Alors moi je voulais savoir c'était quoi la meilleure rencontre que tu avais fait grâce à la musique, enfin dans le monde de la musique. Ah bah je vais dire tout simplement Céline Dion quoi. Ah ben, normal. Céline Dion parce que je la voyais qu'à la télé, moi je pensais pas qu'elle existait vraiment déjà quand j'étais petite et puis c'est pour que tu m'aimes encore, c'est Titanic quoi. Attends, c'est la légende. C'est de légende of Céline Dion quoi. Et ouais. Comment elle est en vrai justement? Bah elle est super cool, elle est très blagueuse. Très rigolote, très sportive. Elle bouge, hyper active, elle bouge partout, elle rigole. Ouais. Et très touchante. Il y a des moments où elle dit rien, où elle est là, elle est juste touchante parce que très professionnelle, mais elle va dire écoute, si tu trouves que c'est pas assez bien, on refait et t'hésites pas à me dire. Enfin. Ouais, ouais, c'est Céline, c'est quoi. C'est dur de lui dire, écoute, non, là, t'étais en dessous. Non, oui, mais là, c'était vraiment de la merde. Bah, enfin c'est ça. Voilà, donc, t'as eu ta réponse. Ok, bah merci, puis bonne soirée. Merci à toi aussi. Gros bisous. Bisous à tous. Bonne soirée. Bon, Zao, on va te remercier très fort d'être venu dans le Night merci Show. C'était vous. Vraiment ouais. Un kiff. On sera en rendez-vous là pour l'album en février 2017, pour les Zéniths aussi. On va vous balancer. Est-ce que tu les as quelque part les dates sur des réseaux ou quoi? Pas encore. Pas encore. Elles sont en train d'être montées. Eh ben, dès que tu les as, tu nous les envoies, nous on relaie. Hein. D'accord. Avec sorte de relais comme ça. Avec grand plaisir. Et puis on va continuer à te suivre, à écouter ce titre qu'on adore. Tu n'as pas idée, c'est chaud. Pourquoi verbaliser? C'est chaud. Demain on aura pas zappé. Eh ouais. T'as un dernier petit mot pour tous ceux qui te suivent, qu'on n'a pas pu prendre ce soir, qui sont peut-être déçus, mais c'est le moment. Écoute, il y a toujours moyen de me parler sur les réseaux sociaux, donc c'est pas trop tard pour poser des questions et je suis en promo encore, donc il y a plein d'autres occasions de se revoir, de se rencontrer, de rigoler, de jouer au foot. Voilà. Eh ben parfait. Vous retrouverez toutes les vidéos avec Zao. Franchement, elle a été top. Moi, j'ai envie que cette émission maintenant elle s'appelle Marion et Anso et Zao le Night Show. Ah ouais. Moi, je suis en émotion. l'invitation. Ah ouais, je signe. Merci beaucoup, Zao. Tu reviens quand tu veux. Du bruit, merci. Les gars, pour Zao. Pourquoi tu m'appelles ? Il est à l'appareil, j'ai appelé personne. Mais je t'appelle pas, connard. Je t'ai pas appelé, ma grande. C'est dans le Night Show sur Fun Radio. Il faut absolument que vous alliez mater la vidéo du Pourquoi tu m'appelles d'Anso, où elle essaye de rigoler d'un air mais complètement complaisant. Elle fait une tête. Mais je suis moche, les gars. Ah, mais quand tu ris, et elle est géniale parce que donc elle sait pas qu'elle est filmée, donc après elle danse, elle fait n'importe quoi. Et après elle essaie de soudoyer tout le monde pour pas qu'on sorte la vidéo, mais on l'a sortie. Mais c'est surtout qu'en fait, vous auditeurs de Fun, et vous m'avez fait marrer, hein, parce que je l'ai posté sur mon Instagram perso, vous avez fait plein de screenshots de ma tête où je suis immonde, c'était hyper drôle. On joue en tout cas avec Dimitri ce soir. Bonsoir Dimitri. Oui, bonsoir. Ça va Dimitri ? C'est Marion ? Ouais, c'est bien, très bien et toi ? Oui, là c'est Marion. C'est Anso, ok. Bah là c'est Anso, ouais. Ah, ouais. D'accord, bon bah. Ça va Bichon, t'as quel âge ? Ouais, bah, j'ai 24 ans, bientôt 25. D'accord, c'est la première fois pour toi à l'antenne ? Ouais, c'est la première fois, ouais. Eh bah bienvenue mon pote, ça nous fait plaisir. Bah merci, Anna. Dimitri, tu vas pouvoir gagner ton casque Beats. Pour ça, il va falloir que tu appelles quelqu'un en France, que tu dises pourquoi tu m'appelles et ouais, que tu restes okay. le plus longtemps possible en affrontant possible. Marion ou moi. Tu choisis qui, Dimitri ? Bah j'avais dit Marion. Ok. Et bah Dimitri, okay. pour que ce soit plus simple pour toi, je vais donner un handicap à Marion. Et alors là, qu'est-ce que je vais bien pouvoir te donner ? Te venge pas. Bah si, justement, j'aimerais bien me venger. Et bah tu sais quoi ? J'ai un verre d'eau, car comme tout un chacun, je m'hydrate afin d'éviter le décès. Oui. Et donc, tu vas devoir faire un pourquoi tu m'appelles, mais en buvant beaucoup d'eau. Ah oh non, genre, mais je vais m'en mettre partout. Pourquoi bah, arrête non, c'est pas possible, je vais m'en mettre partout. Un vrai truc comme ça. Bah, ramenez-moi de l'eau alors, parce qu'il va m'en falloir plusieurs verres. Les gars, allez chercher. J'ai un verre là. Bon, bah écoute, essaye avec un mais verre déjà. T'as des verres devant toi, donne. Ouais. Merci. Tiens. Allez, oh c'est non. parti, on appelle quelqu'un au hasard. Ça va être ridicule. Ouais. Il y en a mais marre. Vraiment, tu t'en fous partout. Non, non, je vais faire au mieux. En regardant tantôt, ma grâce. Fera un pourquoi tu m'appelles là, toute nue. Oui, allô bah. Allô allô. Oui, bonjour. Bonjour, pourquoi qu'on m'appelle Je sais pas, moi j'ai un numéro privé qui est affiché, donc je pouvais pas vous appeler. Vous vous croyez parce que moi aussi j'aurais un numéro privé. Bon, bah je sais pas, c'est un dysfonctionnement. Oui, bonne journée. Alors c'est un dysfonctionnement, monsieur, et j'aimerais comprendre la solution. Monsieur. Écoutez, là, j'en ai pas, je suis en pleine séance photo, donc je raccroche. Bonne journée à vous. Excusez-moi. Pourquoi vous m'appelez ? Pourquoi qu'on m'appelle ? C'est-à-dire que tous les gars dans le studio te regardaient. Elle est, mais souillée. Elle a de l'eau absolument partout. Non, mais attendez, il faut que je remédie à ça, là. Je suis trompée, les gars. C'est énorme. Attends. Une serviette, quelque chose ? Thibaut, combien de temps elle a fait, Marion ? On a fait 34 secondes. 34 secondes. Et franchement, Dimitri, 34 secondes, c'est facile. Hein. Ouais, ok. Ouais, cimère le handicap. Hein. Ouais. Bon, Dimitri, j'espère que tu as une stratégie. On appelle quelque part. Ok, ça marche. Et j'ai souillé le studio. Ouais. Ça te fait rire, toi, là, rien, là ? Oui. C'est vrai que t'as des fuites urinaires, meuf. Allô ? Allô ? Oui, oui. Oui, bonjour. Pourquoi tu m'as appelé tout à l'heure ? C'est Guy Labib. Bah, tu m'as appelé tout à l'heure parce qu'on avait rendez-vous. Ouais. Bah, c'était pas... T'es dans le coin, là ? Parce qu'on t'attend, là. Non, non, c'est Guy. C'est Dim. C'est Dim. Ah non, je connais pas du tout, non. Bah, bien sûr, j'ai ton numéro qui s'affiche. Ah, bah, je sais pas, ça doit être une erreur, alors on se connaît pas du tout. Bon, t'as quoi comme numéro qui s'affiche, là ? Moi, c'est marqué numéro privé, là. Bah, c'est bizarre, là, parce que ça fait trois quarts d'heure qu'on attend. On pensait que t'étais dans le coin. Non, non. Non, non, je connais pas. Moi, je suis de Perpignan. Bah, pourquoi tu m'appelles ? Bah, là, ça doit être une erreur. Hein. C'est l'heure que tu m'as dû appeler. Hein ? Bah, dis-nous, mec, pourquoi tu m'appelles ? Bah, j'en sais rien, là. Ça doit être une erreur de téléphone ou je sais pas quoi. Bah, non, il n'y a pas d'erreur. Bah, non, c'est pas possible. Non, je connais pas. C'est pas possible, c'est ton numéro qui s'affiche, là. Là, je cherchais à joindre à Bible. Ouais. Ah, mais il est avec moi. Ça fait trois quarts d'heure qu'on attend. Ah, il est avec toi ? Ah oui, il est avec moi, il est à côté de moi, là. Bah, tu peux me le passer ? Bah, attends, il est parti faire un tour, là. Il en avait marre, là. Il avait 45 minutes. Ah non, mais. Ah ouais, c'est, ça doit pas être. Toi, ça doit pas être moi qui l'attends. Hein. Ah bah, si, c'est sûr que c'est toi. C'est Dany, là. Attends, je te passe David. Attends. Allô ? Ouais, allô ? Ouais, c'est Habib, ça va ? C'est Habib ? Bah oui, c'est Habib. Ah bah, c'est Dany, là. Ok, ok. Ça va, Habib ? Pourquoi tu m'appelles, du coup ? Alors Yannick au standard est quand même la personne qui improvise le moins bien du monde. Oui, ça c'est qu'il part en fou rire à chaque fois lui. Et surtout Dimitri en fait il te parlait d'un Habib, pas David. D'accord, ok, bon il a rien compris du tout alors. Mais c'était bien, t'as tenu longtemps, combien il a fait ? Il a fait 1 minute 40. Eh ben c'est gagné ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Dimitri, je ne te cache pas que nous sommes trempés parce que pendant ton pourquoi tu m'appelles, Marion a eu les très bonnes idées de m'envoyer un verre d'eau à la face. Ah oui. Et donc Dimitri, je t'annonce que même si ça n'a aucun rapport, tu gagnes ton casque Beat. Ah, c'est génial, merci beaucoup à tous. Tu l'as mérité, t'as été très bon. Merci d'avoir joué avec nous, mon pote. Il y a moyen de faire une dédicace ou pas? Oui, bien sûr. Ah bah merci. Bah, bon vas-y. C'est une dédicace à ma chérie Noémie. Et à tous mes potes du 85 de Vendée, il y a Sané Simon et Mickaël Beaupeu. Oh là, voilà. Mickaël Beaupeu. C'est vrai qu'il est quand même sympa, lui. Moi, j'embrasse surtout Noémie parce qu'elle a de la chance d'avoir un chéri comme toi. Beurre. Quelle chaudasse. On t'embrasse, Dimitri. Bisous. Bisous à tous. Merci. Mais pourquoi tu m'appelles sera de retour dimanche soir en direct aux alentours de 23h. Soyez là et soyez là surtout dans un instant. Puisque pour la première fois dans l'histoire du Night Show, nous allons organiser une foire aux célibataires. C'est pas du tout péjoratif ça. Alors qu'est-ce que c'est? En gros, c'est le moment, si vous êtes célibataire, de vous vendre. Si vous recherchez l'amour, on va essayer de vous mettre en relation comme ça. Parce que vous êtes hyper nombreux à nous envoyer des mails, je cherche l'amour, je ne trouve pas. Et bah c'est l'occasion. 01 42 48 5000. On ne va pas vous laisser comme ça. Non, je dis non. Ok, merci Julien Courbet. Ce sera juste après Major Lazer et Justin Bieber. Justin Bieber célibataire ou pas? Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. C'est Marion et Anne-Soul Night Show. On est en direct jusqu'à minuit. Et je suis très contente de lancer officiellement la première foire aux célibataires du Night Show ouverte. Alors qu'est-ce que c'est que la foire aux célibataires? Ne vous fiez pas à ce nom qui peut être un peu péjoratif comme ça. C'est juste le nom qu'on a trouvé en fait pour vous permettre de trouver l'amour ce soir. Parce qu'on a un nombre de mails et d'appels de vous là qui êtes célibataire, c'est impressionnant. Ouais, c'est vrai. Oui. Et comme j'avoue, on a déjà réussi à créer deux ou trois couples dans cette émission juste en vous permettant de parler, et ben là, on va consacrer ce moment rien qu'à ça. Donc si vous voulez vous vendre à l'antenne, essayez de rechercher l'amour 01 42 48 5000 et j'aimerais évidemment lancer cette foire avec celle qui est célibataire dans l'équipe. Anso, présente-toi, vends-toi. C'est vrai que je suis la seule célibataire dans cette équipe en fait. Oui. Je me présente, moi je suis Anso, j'ai 33 ans. Je suis une petite blonde, plutôt drôle, oui, c'est vrai. Plutôt sympa, plutôt sauvage, plutôt, je cuisine bien. Un peu diabétique. Je suis très diabétique même, hein, globalement, on va pas se mentir. Mais je cuisine bien, je fais très bien les pâtes. Et j'aime regarder des films, j'aime aller courir, j'aime les animaux, ainsi que la paix dans le monde. Ok, écoute, le message est passé. Si jamais il y a de vrais intéressés et pas de blagues, vous nous appelez. Et puis on va accueillir nos célibataires du soir. Oui, c'est ça. Il y a Marie déjà de Metz qui est avec nous. Bonsoir, oui, je suis là. Marie. Bonsoir, salut Anso, salut Marion. Ça va Marie ? Oui, et toi ? Oui, alors Marie, l'antenne est à toi. Tu peux te vendre comme tu veux et dire surtout ce que tu recherches, d'accord ? Ok, moi je recherche une relation sérieuse. Quand je suis Marie, j'ai 28 ans et puis je suis sympa, sociable, j'adore les légumes et surtout le concombre. Le concombre, Marie, ça veut dire que... À Marie. Quelle utilité, Marie ? Parce que tu veux dire à la crème, quoi, tranquille, on le mange, quoi. Oui, à la crème. Oui, ouais. D'accord. Ok, d'autres signes particuliers te concernant ? Je suis Capricorne. Okay. Ah oui, non, mais c'est vrai que c'est important, oui. Signe astrologique. Et ouais, alors, est-ce que tu recherches sur la région de Metz ou tu veux t'éloigner ? Comment ça se passe ? De Metz. Okay. Je recherche près de Metz, ouais. Et tu recherches plutôt un garçon comment ? Brun, blond, grand, petit ? Ça m'est égal. D'accord. Mais de préférence, un peu proportionné, normal. Et alors, toi, physiquement, en deux mots, t'es comment, chérie ? La phrase. En deux mots, alors, moi, je suis assez proportionnée. Ça veut rien dire. J'ai jamais compris ce que ça voulait dire. En gros, tu veux dire que dans la moyenne. Je suis normale, ça. Oui, je suis dans la moyenne, quoi. C'est ça, proportionnée. Ah, d'accord. Ouais. Brune ou blonde ? Non, j'ai les cheveux noirs. Noirs, d'accord. Ouais. La peau claire ? Oui. Et les yeux ? Métisse, italienne, quoi. Ah, belle gosse. Ah ouais, et d'origine italienne. Les yeux, quelle couleur, Marie ? Les yeux bruns. Bon, et écoute, si vous êtes intéressé par Marie, là, 01 42 48 5000, c'est le moment. Elle est hyper fraîche, elle est sympa et elle aime les concombres surtout. Et on peut pas lui présenter notre copain de Toulouse là ? Ah, Jean-Marc, mais non, Metz, Toulouse, ça passe pas. Non, mais je pense qu'on va avoir Jean-Marc au téléphone, les gars. Oui, Jean-Marc, il va forcément rappeler pour la foire. Obligé quand même. Bon, restez là, si vous êtes intéressé par Marie ou si vous cherchez l'amour, vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000. Let the beat. Fun Radio est la seule radio à vous envoyer à Las Vegas faire la fête avec DJ Snake. Salut, c'est DJ Snake. Fun Radio, c'est ma radio. Dès que vous entendez le double fun. Double fun. Avec deux tubes de DJ Snake à la suite. Soyez le plus rapide à appeler Fun Radio. 3228. Et vous partez direction Las Vegas pour voir DJ Snake en live. Comment ça va ? Fun Radio. C'est le double fun sur Fun Radio. 3228. Service payant 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. J'arrive chez McDo, je commande un menu McFirst à 4,95€ et là, un groupe d'hommes habillés en noir m'attrape et me jette dans un taxi. On arrive dans un amphi où plein de profs à lunettes m'attendent pour que je réponde à une question genre « Quel est le sens de la vie ?» Non. Et alors ? Tu sais bien que je suis nulle en orientation. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson, une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, bougez plus. Hier soir, j'ai rencontré Alice à une soirée karaoké mythique. Elle chante super bien. En deux notes, elle enflamme toute la salle, Alice. Mais moi, c'est Laurie qui me fait craquer. Elle chante complètement faux, mais c'est justement ça qui me plaît. Rencontrez-vous à l'une des nombreuses soirées mythiques. Téléchargez l'appli gratuitement. Mythique. The Night Show. Marion et Anso. Le Night Show. Du dimanche au jeudi, 22h minuit sur Fun Radio. avec la première mauvaise nouvelle qui vient de tomber, puisque pour l'instant, nous avons des appels pour Anso, mais pas pour Marie. Ah bon, il y a des appels pour moi ? Ouais. Bah évidemment qu'il y a des appels pour toi, mais on va les prendre après, parce que toi, bon, c'est un peu facile, il faut aider les auditeurs. Bah d'accord, excuse-moi de pas t'occuper de bah Marie. Bah oui, mais non, mais c'est la priorité, c'est nos auditeurs. Bon, en tout cas, je vous rappelle qu'on vient d'avoir Marie de Metz, qui est hyper sympa, qui a les cheveux noirs, elle a les yeux bruns, elle est hyper cool, elle aime les concombres, elle est capricorne, et elle est très bien proportionnée. Voilà, voilà donc du côté de Metz, allez-y, appelez-nous 01 42 48 5000. Je vous emmène, on continue le voyage en France, la grosse ringarde, avec Jean-Marc de Toulouse. Ah, bah, ah voilà, Jean-Marc. Le copain. Ah oui, il fallait qu'on le laisse. Ça va, Jean-Marc ? Bonsoir Marion, bonsoir Anso. Alors Bichon, toi, il faut qu'on explique aux auditeurs, on t'a déjà eu plusieurs fois à l'antenne parce que ça fait un moment que tu recherches l'amour. Oui, c'est ça, je recherche un petit moment, j'ai pas encore trouvé. D'accord, ça n'a pas avancé là depuis la dernière fois ? Ben non, j'attends toujours. Ça... Bon, on rappelle que toi, t'as un signe particulier, tu aimes bien chanter du Black M. Oui, c'est autre chose aussi. Tu veux nous faire une petite démo ce soir pour convaincre les filles ou pas ? Ben, on peut essayer. Ben vas-y, on t'écoute. Vas-y Jean-Marc. Sur ma route, il y a eu du mauvais, de l'aventure dans le mauvais, une vie de route. Une vie de route. Sur ma route, je ne compte plus les saucisses. Sur ma route, Mais Jean-Marc, c'est pas mal, mais cela dit, faut peut-être tenter un petit peu d'articulation un peu plus. T'as dit sur Marie quand même à un moment. Mais c'est le stress. Excusez-moi. Bon, Jean-Marc, on rappelle que tu cherches quel type de profil, toi ? Une fille qui habite Toulouse ? Alors, une Toulousaine, blonde, grande. Les yeux bleus. Les yeux bleus, ah oui, c'est précis quand même. Hein. Et quel âge ? Moyen d'âge entre 34 et 42 ans. Ok, 34 et 42 ans. Ensuite, j'aime bien la musique, les balades en montagne, faire la fête, tout ça. D'accord. Les balades en montagne et la fête. Et bah, si vous êtes intéressé par Jean-Marc de Toulouse, 01 42 48 5000, allez les Toulousaines, là, il a l'air sympa. Et t'aimes bien aller au ciné, Jean-Marc ? Oui, je vais pas souvent, mais j'aime bien. D'accord. D'accord. Et bah, reste en ligne, mon Jean-Marc. Si on a des appels pour toi, on te les passe, ok ? D'accord. Allez, bouge pas. On a Hervé de Dinan aussi qui est avec nous. Bonsoir, Hervé. Bonsoir, les filles. Est-ce qu'on est content d'être là ? On est content d'être là ! Alors, Hervé. Non, bah moi j'ai un bon petit texte bien poétique pour ces demoiselles si elles recherchent. Vas-y, écoute, vas-y. Alors, j'ai marqué. Bonsoir, mesdemoiselles, je m'appelle Hervé, je suis un célibataire de 44 ans, bientôt 45 samedi. Vivant à Dinan, je suis un poète musicien. C'est mon première phrase. Je suis quelqu'un de galant, fidèle. Ma couleur préférée est le bleu, comme le ciel du bonheur que j'aimerais partager à deux. Oh, c'est beau! Ouais. Et voilà, voilà, bon, recherche pas. Je suis pas spécialement difficile avec vos critères, moi, une femme qui soit simple, qui a le cœur sur la main, qui soit fidèle, sincère. Dans la région de Dinan, si possible, voilà, la Côte d'Armor. Ouais, en plus, c'est une bien belle région. Oui, en plus, ouais. Il faut y venir un jour, en dessous. Bah, j'y suis déjà allée, tu sais, Hervé. Hein. Moi, j'ai roulé ma bosse. Hein. Non, ça fait que 4 mois que je suis à Dinan, donc c'est pour ça que j'ai encore pas l'occasion de te voir. Ah, bah, c'est pour ça qu'on s'est pas croisés. Moi, j'y suis allée il y a 5 mois. Ah, non, malheureusement. Alors, je vous rappelle le numéro si vous êtes intéressé par Hervé de Dinan, 01 42 48 5000. Un poète bien sympathique. J'aimerais faire une dédicace, Sophie. J'aimerais faire une dédicace avant de partir. Alors, j'ai fait une dédicace à Ken et à Crachy qui se comprendront, qui sont en couple tous les deux, et genre, je te fais plein de bonheur et à tous ceux qui se reconnaîtront. D'accord. Et ben, reste en ligne, mon pote. Si jamais on a des appels pour toi, on te les passe, ok ? Pas de soucis. Allez. Bon. Thibaut, à l'arrière, j'aimerais que tu me mettes une musique encore plus douce que celle-ci, puisque ça y est. Nous avons le premier prétendant qui a appelé. Pour qui ? Pour Marie. Marie, quelqu'un a appelé pour toi. Elle est contente. Marie, tu n'auras pas fait chou blanc ce soir. Non, Marie. Puisque Christophe est avec nous. Bonsoir, Christophe. Bonsoir. Ça va, Christophe ? Oui, très bien, et vous ? Oui, très bien. Alors, première question, Christophe, est-ce que tu habites Metz ou ses alentours ? Non, j'habite Quimper. Mais Christophe, tu es dans un troupeau de crapauds autour de toi. Il y a du bruit, c'est vrai. Ouais. Eh ben, écoute, Christophe, Marie est en ligne. Je te propose de lui parler pour voir si ça peut coller. Faites connaissance. D'accord, il n'y a pas de problème. Allô ? Allô ? Oula, c'est timide. Hein. Bah, les gars, il va falloir vous y mettiez du vôtre, hein, parce que là, c'est un peu léger. Ouais, non, mais je sais pas si ça marche bien ou pas. Ah bah oui, elle t'entend. D'accord, ok. Donc tu recherches l'amour, c'est ça ? Oui, tout à fait. D'accord. Un homme sérieux, sincère. D'accord. Bah moi, je suis sérieux. Après, j'ai 28 ans, donc je recherche l'amour. Alors, Christophe, Marie a une certaine passion pour les concombres. Est-ce que tu la partages ? Bah, ça peut se faire, ouais. Ça peut être sympa. Et toi-même, Christophe, tu es de quel signe? Scorpion. Ah, les scorpions ont... On a tendance à être un petit peu comme ça. Non mais Scorpion Capricorne, ça match. Hein. Alors attendez, excusez-moi, Madame Irma avec nous. Oui, si, c'est des signes comme ça qui sont complètement compatibles. Donc je pense qu'il y a moyen de creuser. Il y a moyen. Alors ce que je vous propose tous les deux, est-ce que vous avez d'autres questions à vous poser là tout de suite ou pas? Bah sur le coup, j'en ai pas trop. Enfin, ouais, Alors, vous inquiétez après, pas. Voilà, c'est comme ça quoi. Ouais, je suis plutôt. C'est plutôt assez timide. Alors, ce que je vous propose, on va vous mettre hors antenne en relation. Vous allez discuter comme ça, prendre vos marques et tout ça. Et on verra après, dans quelques minutes, ce que ça donne. D'accord ? Il n'y a pas de problème. On vous met hors antenne, les gars, et on vous reprend tout à l'heure. Et franchement, ça cartonne cette petite foire aux célibataires parce qu'il y a déjà Léa qui nous a appelé pour Hervé de Dinan. Ah bon ? Hervé, tu es là ? Oui, je suis toujours là. Eh bien, écoute, on va prendre Léa tout de suite. Léa, bonsoir. Bonsoir. Alors, Léa, dis-nous, qu'est-ce qui t'a plu chez Hervé ? Ah, écoute, je sais pas, il y a un bon feeling. En plus, c'est quelqu'un qui a l'air assez posé et c'est ce que je cherche. Donc, voilà, moi j'ai envie de quelque chose de sérieux. Et puis, je sais pas, en plus, la musique, j'adore ça et je voulais savoir s'il voudrait nous chanter un petit quelque chose. Ah, Hervé, est-ce que tu sais chanter ? Non, j'ai un peu la boîte casserole et puis j'ai un peu la Huawei ce soir. Ah. D'accord. Et alors, Léa, tu as quel âge toi? Parce qu'il avait un critère d'âge, Hervé. Ah, j'ai 28 ans. Bon, mais ça ne me gêne pas l'âge. Ah, bon, ça ne te gêne pas. Et tu habites quelle région, Léa? Ah, j'habite Dijon, c'est un peu loin, mais je suis prête à faire la route. Ah, quand même? Oh. Bah oui, parce que c'est l'autre bout hein, quand même, hein, quand on regarde. Après, bon, bah, c'est vrai qu'elle pourrait te rapporter de la moutarde, Hervé. Alors, les kilomètres sont faits pour être parcourus. Hervé. Oui. T'as une jolie fille en ligne, profites-en. Est-ce que t'as une question pour elle? Quel genre de personne recherches-tu vraiment physiquement? Ah oui. Est-ce que le physique apporte quelque chose pour toi en premier par rapport à ce qu'elle a dans le cœur? Non, j'ai pas de critères physiques, je marche beaucoup au feeling. La preuve, si j'ai appelé ce soir, c'est pour ça. Donc, moi, je marche beaucoup au feeling, à la complicité, tout ça. Voilà. Oui, bah, moi, je suis un peu pareil aussi. Donc, je recherche surtout la complicité, une vraie relation durable, fonder une famille, retrouver quelque chose de concret, et puis une vie heureuse, quoi. C'est beau. Bah, hein. C'est ça, moi, c'est pareil. Ça fait 9 ans que je suis tout seul et j'aimerais bien un jour retrouver cette perle rare qui me redonnerait un peu l'espoir de l'amour, quoi. Oh là là, alors toi, t'es un beurre. Oh, mais qu'est-ce qu'on t'aime ! Eh, les deux, on va vous mettre hors antenne aussi parce que je pense que là, il y a un feeling qui est en train de se créer et il y a moyen qu'il se passe quelque chose. Eh ben, ça marche, écoute, on verra. Ok. Et l'un ou l'autre, vous nous tenez au courant surtout, hein ? Non, oui. Il n'y a pas de souci. Oh, je le sens qu'il est tout émoustillé, mon Hervé. Hein. Ah, bah normal, attends, Hervé. Oh, je suis un peu émoustillé, je suis un peu. Que même temps, j'ai le trac. Mais non. Non, le trac de passer à l'antenne, hein, pas le trac de. C'est merde. Mais Hervé, tu sais que t'es à l'antenne quand même en direct depuis tout à l'heure, hein. Oh, oui, je sais. Ah, mais je suis un fidèle auditeur, hein, je vous lâche pas tous les soirs depuis la première année. Hein. Oh, t'es vraiment très mignon, toi. Et franchement, tu t'en sors bien. Je suis là pour la première émission depuis la première saison, hein, donc je vous écoute tous les soirs. Merci mon Hervé, on espère que tu vas trouver l'amour avec Léa ou avec quelqu'un d'autre, d'accord ? Oui. Allez, on vous repasse en antenne tous les deux, on vous embrasse. D'accord, d'accord, bisous. Et puis Anso, je sais que tu attends ce moment depuis un moment, on va prendre quelqu'un qui a appelé pour toi. Ah. Alors, il s'appelle comment ? Il s'appelle Greg visiblement, bonsoir Greg. Bonsoir Anso. Bonsoir. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, ça va. Oh là là ! Alors présente-toi mon Greg, t'appelles d'où, t'as quel âge, tout ça ? Là je suis sur une aire d'autoroute, tout seul sur l'autoroute A19. J'ai 31 ans et je suis Capricorne. Tu es Capricorne, d'accord. Oui. Et alors qu'est-ce qui te plaît en Anso ? Ce qui me plaît en Anso, c'est qu'elle et moi, on partage cette passion de la radio. Oui, non mais en fait... Ah, mais j'ai reconnu les gars, parce que j'ai reconnu sa voix directe. C'est Greg qui fait les Daddy Fun le week-end. Ah mais oui, c'est moi. Alors donc, Greg, je te le dis, hein, mon pote, hein, parce que je connais quand même depuis longtemps, t'es quand même un beau petit con. Parce que quand t'es arrivé sur l'antenne, je me suis dit... Voilà, enfin quelqu'un qui a une voix quand même un peu sympa et tout. Oh non. Et en fait, c'est Greg, le collègue de boulot, que tu vois comme la machine à café. Mais pourquoi pas, après tout. Peut-être qu'il faut réfléchir à plus loin, vous croisez comme ça dans les couloirs de Fun, mais peut-être. En plus, c'est quand même un signe, je vous écoute comme ça, j'entends quoi? Grande foire aux célibataires, hop. Mais attends, je suis là. Je peux appeler, j'appelle. T'es célibataire depuis quand, toi? Je suis pas vraiment célibataire. Je suis célibataire jusqu'à la fin de votre émission, je suis célibataire, pour le coup. Ouais, donc ça marche quand même. Bon, et ben mon Greg, merci de nous avoir appelé. On va essayer de trouver un vrai célibataire pour Anne. Ok. Et ben, merci à vous et bonne soirée, les beurs. Et j'étais content d'être là avec vous. Ah, beurre, trop mignon. Bisous, mon beurre. Ciao, ciao. Salut, bisous. On t'embrasse. Ciao. Bon, est-ce qu'on a quelqu'un pour Jean-Marc? Non. Pas encore, mais. Yannick au standard, parle. Dis-nous, Jean. Alors, on a quelqu'un, mais je sais pas, je suis pas sûr que ça soit une meuf, en fait, pour être très honnête. C'est pas vrai. Comment c'est ça Corinne. C'est Corinne, donc je sais pas si c'est une meuf, mais en tout cas, elle est intéressée par Jean-Marc. Comment ça, tu sais pas si c'est une meuf? C'est bizarre ce que tu nous dis, là. La voix, en fait, j'arrive pas à reconnaître. Elle est en ligne ou pas? Elle est en ligne dans deux secondes. D'accord, bah appelle-la, on va voir ce que ça donne. Jean-Marc, on a peut-être quelqu'un pour toi. Ok, super. Mais voilà, mais tu sais, on lâche pas l'affaire, nous. Hein. On avait déjà trouvé quelqu'un, ça l'a pas fait, mais on va te maquer avant la fin de saison. Ouais, tu sais. D'accord. Nous, on t'a complètement pris sous notre aile, hein, mon Jean-Marc. Hein. Mais grave, on t'aime beaucoup. Merci. Non, mais ça me fait de la peine. C'est un mec bien, il est seul. Oui, Enzo. Moi, j'aimerais savoir pourquoi. Arrête. Non, mais peut-être qu'on peut l'aider. Mais non, laisse-le tranquille. Jean-Marc, c'est mon beurre, on n'y touche pas. Enzo, tu sors. Okay. Dégage avec ton nez. Jean-Marc, à part la randonnée, la montagne, le cinéma, tout ça, est-ce qu'il y a un truc que tu aimes particulièrement? Non, pas la musique. Bon, c'est déjà pas la montagne et le cinéma. C'est... Et en même temps, c'est hyper cool de se faire une soirée. T'es en mode apéro comme ça avec ton mec, vous écoutez de la musique, vous échangez et tout, c'est vachement cool. Ouais, c'est vrai, c'est bien. Ouais. Alors, est-ce qu'on a récupéré Corinne ou pas? Sinon, on la prendra plus tard, hein, c'est pas grave. Elle est là? Elle est pas là. Bon, non, elle est pas Jean-Marc, là. On a peut-être quelqu'un pour toi. Elle a appelé. Il faut qu'on voit si c'est sérieux tout ça. Et si c'est sérieux, on te rappelle tout à l'heure, d'accord? D'accord. Allez, mon pote, courage. À tout à l'heure, mon chien. Bisous, mon Jean-Marc. Bisous à toi. Ah, il me touche, lui. Hein. Bon, bah écoutez, en tout cas, gros succès pour Jean-Marc et gros succès pour Anso. Ça fait très plaisir. Bon, reste avec nous. Puisque dans un instant sur Fun Radio, c'est le Pokélost qui va débarquer. Ce moment où vous piégez papa et maman en leur faisant croire que vous êtes perdus dans un endroit un peu lugubre comme ça en jouant à Pokémon Go. On se retrouve en tout cas juste après Sib sur Fun Radio. C'est Brice, Thibaut Alaria. Ça veut dire quoi, Brice? Ça veut dire respire. C'est toi qui me l'as appris. Ouais. Voilà, bien vu. This is not for your cries. This is all for your lies. Listen up for your mind. You're killing me over love. Da, da, da. Your kisses are the only doubt. I listen up from your lies. Just breathe, don't drown your heart. Just si vous nous joignez là, vous êtes dans le night show, c'est Marion et Anso, on est en direct jusqu'à minuit. Et peut-être que vous aimez Soprano et que vous aimez peut-être également les vidéos. Ah oui, c'est le bah, bon combo. Effectivement. Et ben, vous pouvez retrouver les vidéos de Soprano quand il est venu dans notre émission, c'était mardi soir sur notre chaîne YouTube Marion et Anso. Le gars, quand il fait des lives, c'est un truc de ouf. Hein. Ah bah ça a dansé, ça a dansé. Ah oh, bah moi je me suis pris pour une chanteuse, hein. Je te parle que de ça. Hein. Pokélost sur Fun Radio. Si vous aimez jouer à Pokémon Go, bah ça tombe bien parce que c'est le principe du jeu. Vous faites croire à papa ou maman que vous vous êtes perdu dans un coin un petit peu lugubre comme ça avec des gens mal intentionnés. Et en jouant à Pokémon Go, si vous arrivez à les convaincre de venir vous chercher, bah vous gagnez votre casque Beat. Sympa. Oui, c'est sympa. Évidemment, c'est un casque de la marque Beat. Bah oui. Ce n'est pas un casque pénis, sinon ça n'aurait aucun sens. Alors nous, on aime bien quand les parents s'énervent ou paniquent un peu. Donc prenez quand même papa ou maman, celui qui a le plus de caractère, quoi. Eh bien, on joue avec Romain, on va découvrir avec qui on joue ce soir. Bonsoir Romain de Marseille. Salut. Ça va Romain? Ça va super, merci. Bon, Bichon, t'as quel âge toi? Moi j'ai 14 ans. T'as 14 ans, est-ce que tu aimes bien jouer à Pokémon Go? Oui, plutôt oui. Cool, t'es bon ou pas? Ouais. Ouais, ça sent le petit « ouais, ouais, je suis moyen, mais je l'assume pas, quoi ». De toute façon, personne n'ira vérifier, Romain, alors. Romain, on va piéger qui, ce soir? Ma grand-mère. Oh, ah, jamais fait. Ah, génial. Ah. Et comment tu l'appelles, Romain? Mamie, granny, mamie douce? Mamie. Mamie, elle est pas trop sensible, rassure-nous. Non, quand même pas, mais elle a tendance à s'énerver, surtout après qu'elle passe le téléphone à papy. D'accord, parce que ce serait quand même malvenu, une crise cardiaque voilà. En direct. Quoi. Non. Eh bien écoute, Bichon, tu connais le principe du jeu, tu l'appelles, tu la fais flipper, tu dis que t'es perdu, qu'il faut absolument qu'elle vienne, et ton casque Beat est au bout du couloir. Elle s'appelle comment, mamie? Joël. Mamie Joël. Eh bien c'est parti, Romain, on appelle mamie Joël. Mamie Jojo. Romain, on dirait qu'il nous appelle des toilettes, il y a un petit écho. Ouais. Parle bien dans ton téléphone, Bichon. Ok. C'est mieux. Un souci de compréhension, quoi. Ah, allô? Allô, mamie? Oui. Ouais, c'est moi. Je t'appelle, en fait, j'ai un petit souci. Oui. En fait, t'as vu, j'ai pris le bus, tout à l'heure, j'ai pris le 67. Oui. Et je joue à Pokémon Go avec mon casque, et en fait, j'ai loupé mon arrêt. Et tu ne prends pas pour une couillon, là, avec ce Non. Non, je te jure, mamie. Non, mais ça va. C'est genre, j'ai pris papa, viens te chercher où tu es. Non, mais attends. Je suis à Darius Milo, là. Il y a des gens un peu chelous, là, donc... Bah écoute, papy vient te prendre. T'es sûr? Darius Milo, il est... Ça craint, parce qu'en fait, je me suis merdée, il y a des gens bizarres dans le métro, en plus, là. Oui. Je suis dégoûtée. En plus, je voulais vite rentrer, parce que j'avais des devoirs à faire, là. Mais alors, où il te prend, papy, s'il va te chercher? Ben, c'est vers Darius, en fait. Mais il y a la cité à côté, tu sais, de Darius, ben c'est là. À côté de la cité, tu sais la cité, là, qu'il y a, là. Quand tu vas à Haïti, là, c'est Haïti. Il y a un mec bizarre qui me tourne autour, là, en plus. Et il faut vite qu'il vienne, papy, s'il te plaît. Allez, va vite, alors, vite. Antoine, il y a un mec qui lui tourne. Attends, passe-le-moi. Ah bon? Ben, je viens avec toi. Allez, je viens avec toi. Je viens avec papy. Allez. Aussi, tu fais des conneries, hein. Je suis depuis 4h30, t'es sorti. Oui, mais en fait, je suis un peu sorti sur Pokémon Go. Et là, en fait, mon bus, il avait pas vraiment eu du retard. Et en fait, j'étais en train de choper des ratatas pour ça. Bon, alors, on te prend où, là? Appelle-moi papy, s'il te plaît, je m'inquiète. Passe-moi papy. Moi, je te passe papy, allez. Yolo. Ouais, je suis à Darius, vite, démarre la voiture, viens papy. Où tu es? Je suis à Darius. Mais c'est où? Mamie, viens avec toi, allez. Va, il n'y a pas un garage, il n'y a pas un commerce. Je sais pas, non, mais c'est Darius Milo, c'est le collège, tu connais. Non, tu es au collège? Non, à Darius Milo. C'est un collège pas trop loin de mon lycée, mais c'est bizarre là-bas. En plus, il y a un mec qui me parle. Qu'est-ce que tu fous là-bas? Mais chasser les Pokémon. Ah, les Pokémon, tu me prends pour un con alors, hein? Espèce de merdeux, on retourne au lycée, dépêche-toi, en courant. Mais je sais pas, il y a un mec bizarre, vite, fais démarrer la voiture, je viens. Bon, j'arrive, allez, reste en ligne avec mamie. Ça me rassure si j'entends la voiture, vite, démarre, papy, vite, viens. Mais reste en ligne avec mamie, je te mets sur le raclé quand je viens. Reste en ligne avec mamie. Ouais. Allez, voilà, allez. Mamie, vite, fais-moi entendre la voiture, vite, ça va me rassurer. Hein, Pokémon, tu me dis. Fais-moi entendre la voiture, ça va me rassurer que vous partez vraiment. Non, mais juste certains qu'on soit là pour faire des conneries, hein. Bah oui, mais vite, monte dans la voiture, mamie. Mais ça y est, dans la voiture. On n'entend pas. Fais-moi entendre le bruit. Klaxonne. Klaxonne, allez. Oh, Antoine, tu me fais chier. Klaxonne. Oui, Antoine. Hein? Bah vite, dans la voiture. J'y suis, dans la voiture. Bah klaxonne, alors. C'est horrible. Ouais, non, on peut pas laisser partir. Parce que moi, je suis en fou rire. Vous pouvez rentrer. Mamie Joël. Oui. Bonsoir, on est vraiment désolé. C'est Marion et Anso. Vous êtes en direct sur Fun Radio. Une radio jeune hyper sympa. Arrête, Antoine. Mais il est où alors ? Mais alors, il est en sécurité, hein, il n'est pas du tout perdu, Joël. Attends, non, il ne faut pas sortir. Oui. Quand il va rentrer, il va se prendre une rousse. Moi, là, mais non, c'était... Et, alors, Joël, on vous explique, vous êtes en direct sur Fun Radio. Oui. Il a participé à un jeu qui s'appelle le Pokélost. Il devait vous faire croire qu'il était perdu en chassant des Pokémon. Oui. Mais alors, il est où maintenant alors ? Ah bah, il est en sécurité, il est chez lui, tout va bien. Mais en fait... Mais non, il n'est pas chez lui. Ah, il est... Romain, t'es où ? Je suis juste au coin de la rue, mon bus, il a vraiment eu du retard, je suis arrivée il y a 5 minutes. Il est arrivé il y a 5 minutes. Je suis au coin de la rue, si tu veux, j'arrive dans 2 minutes, je suis à la maison. Non, il arrive. Non, mais ça va, il n'y a rien. Oh là là, les pauvres, on est désolés, on ne pensait pas que vous alliez réagir comme ça. Mais oui, on est les papiers, les mamies. Mais vous êtes trop mignons. Mais en fait, c'était pour gagner un gros cadeau, alors le criez pas trop fort, petit chat. Ouais. Hein, il est adorable en plus, votre petit-fils, et il a gagné son casque Beats. Bravo! Merci là. Beaucoup. Bon, Romain, peut-être, mea culpa auprès de mamie quand même. Oui, non, il doit être là. Il est où? J'arrive, t'inquiète. C'est trop mignon. Et Joël, on vous embrasse. Oui. Embrassez Antoine. Et oui. Vous lui dites qu'on est désolé et qu'on vous embrasse très fort. Passez-nous, Antoine. Allô? Antoine? Oui. Bonsoir, c'est Marion et Anso. Vous êtes en direct sur Fun Radio, monsieur. Bon, Romain, écoute-moi, s'il te plaît. D'accord? Oui, oui. Alors, mais arrête de conneries, Romain. Mais c'était une blague, c'est pas vrai. Oui, toi, c'est une blague. Je te casse un saqué quand t'arrives. Tu verras la blague. Oh là là. Non, mais... Non, Antoine, c'est de notre faute aussi, hein. Allô ? C'est de notre faute, c'était pour gagner un gros cadeau. Il a été bon, il voulait juste vous taquiner. Il est gentil comme tout. Oui, mais bon, nous, on s'est fait, hein, parce que bon, il n'y a pas les parents, là, on est... Bah oui. Ah oui, bien. Bah ça, il nous l'avait pas dit, Romain, aussi, non, hein. On savait oui, pas. Il n'y a pas les parents, alors bon, déjà que... Bah voilà. Oui, c'est du souci. On a bien compris, Joël. C'est du souci. Bon, voilà. Il va se tenir à carreau, c'est promis, il nous l'a dit. D'accord. On vous embrasse, Joël et Antoine. Allez, au revoir. Bisous. Au revoir. Bisous. Romain, fais gaffe à toi, mais à coule pas tranquille. Oui, hein. Okay. Oui. Allez, on t'embrasse, mon poulet, t'as été bon. Bisous. Merci. Dans un instant, l'équipe, nous allons accueillir Léo. Léo a 20 ans, il habite Mâcon et il a un souci, il a l'impression d'être un mauvais coup. Oh bah mince, ah oui, ça c'est fâcheux. Oui, ouais, selon les filles, il a des problèmes de rythme, il sait pas faire les cunis, tout ça, donc il a besoin d'aide. Donc la France, je fais appel à vous. 01 42 48 5000, comment on peut l'aider? Quels conseils on peut lui donner pour qu'il s'améliore, le pauvre? Mais on va le coacher, le Léo. Et pour le son, on s'écoute la nouveauté découverte ce matin sur Fun Radio, c'était à 5h52. C'est Daft Punk avec The Weeknd, c'est juste une tuerie. Écoutez et kiffez. I'm trying to put you in the worst mood, P1 cleaner than your church shoes, Billy point two just to hurt you, all red lamp just to tease you, none of these toys on lease to, made your whole year in a week to, main bitch out of your league to, side bitch out of your league to, house so empty need a centerpiece, 20 racks a table come from ebony, cut that ivory into skinny pieces, then she clean up with her face, but I love my baby. Money need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I like to get any lane. Switch out my core if I kill any pain. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Look what you've done. Nigga try to test me, every day a nigga try to end me, pull up in that roadster SV, pockets overweight and hefty, coming for the king, that's a far cry, I come alive in the fall time, the competition I don't really listen, I'm in the blue moon song, bumping new edition, house so empty need a centerpiece, 20 racks a table come from ebony, cut that ivory into skinny pieces, then she clean up with her face, but I love my baby. Money need a hearing aid. You talking about me, I don't see a shade. Switch out my side, I like to get any lane. I switch out my core if I kill any pain. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. Look what you've done. I'm a motherfucking star boy. so empty, need a centerpiece. 20 racks of table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then she clean up with her face, man, I love my baby. You talking money, need a hearing aid. You talking about me, I don't see the shade. Switch out my side, I like to get any lane. Switch out my core if I kill any pain. Look what you've done. Marion et Anso, le Night Show, et bah c'est nous, il est 23h43, on est en direct. Et c'est le moment où j'ai envie de dire à notre gagnant Théo de l'opération Bahut, attention bichon, on va parler cul. Voilà. Ouais. Je te préviens, je sais que les parents sont derrière tout ça, on va essayer d'utiliser les mots les moins trash possibles. De toute façon, on n'est pas trash. Non. Mais bon, on va parler un peu cul, quoi. Oui, oui, c'est clair, bien sûr. Oui, Théo. Bah, moi, ça me dérange pas du tout. Ah, bah, ok. Bah, t'as 14 ans, ça te dérange pas. Bah, écoute, qu'est-ce que je te dise. Bon, alors, en plus, on déconne pas parce qu'il va falloir qu'on vienne en aide à Léo de Mâcon. Oui. Alors Léo, Marion vous le disait il y a quelques instants, il a l'impression que c'est un mauvais coup en fait. Hein. Ah, bonsoir Léo. Salut Marion, salut Anso. Ça va? Ouais, ça va. Alors toi t'as 20 piges. Ouais, et j'habite à Mâcon. Bon, et alors tu nous as appelé très courageusement comme ça pour nous dire, voilà, j'ai l'impression, en tout cas les filles me disent que je suis pas hyper performant. Ouais, bah en tout cas, ça fait deux meufs que je me suis déjà tapé. Et bah, les deux me disent qu'elles n'ont jamais eu d'orgasme avec moi et que niveau cunis, je suis une merde. Donc, attends, bichon, si t'en as eu que deux, t'imagines, mais moi, mes deux premières relations, j'ai été nulle. Moi aussi, j'étais vraiment pourrie. Ah ouais? Non, mais surtout, Léo, il faut aussi faire la part des choses. C'est-à-dire que quand ça s'est terminé, ta relation avec ces deux nanas, est-ce que c'est toi qui les as quittées ou c'est elles? De quoi? Est-ce que c'est toi qui as quitté ces deux filles? C'est toi qui les as largués ? La première, c'est elle, et là, je suis toujours en couple avec la deuxième. Ah oui, d'accord. Donc là, même ta copine actuelle dit, écoute, c'est pas terrible. Ouais, voilà. Parce que sinon, j'aurais pu... on peut se dire, bah, c'est peut-être de la vengeance. Mais tu sais, je vais te rassurer tout de suite. Tu disais, elles disent que je suis nulle en cuni. T'es loin d'être le seul mec. Hein. Ça demande beaucoup d'expérience, beaucoup de pratique, et c'est pas évident du tout. Et puis surtout, il faut aussi tomber sur des filles qui aiment ça, parce que si les filles ne sont pas ouvertes à ça, et qu'elles n'aiment pas ça, c'est compliqué. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, je sais pas trop comment faire en fait. Je sais plus trop comment m'y prendre parce que voilà. Tu sais quoi, bichon, ne t'inquiète pas. Je sais que c'est facile à dire, ça va venir avec l'expérience, tout ça. Donc, on va essayer de te trouver des conseils très concrets pour que tu t'améliores. D'accord. Et on pourra demander à Pépère des conseils. Oui, Pépère, je sais pas s'il est le mieux placé, mais on va lui demander. Pépère, tu donneras des conseils. Bah oui, tout à l'heure, sois patient. Hein. Léo, tu bouges pas. On va demander aux auditeurs, là, 01 42 48 5000. Est-ce que vous avez des conseils ou est-ce que vous aussi vous étiez mauvais, vous êtes devenu bon? Comment ça se passe chez vous? Appelez-nous, on en parle dans un instant. Il faut qu'on l'aide, Léo, là. Allez, on revient tout de suite. Votez maintenant. Vote for me. Fun Radio DJ Awards. Depuis l'ADE à Amsterdam, l'événement incontournable du DJing. Connectez-vous sur partyfun.fr et votez pour vos DJ préférés. Qui des DJ Fun Radio? Calvin Harris, David Guetta, DJ Snake, Diplo ou Martin Garrix repartira avec le plus de trophées. Réponse en direct de l'ADE à Amsterdam du 19 au 23 octobre avec les Fun Radio DJ Awards. Fun Radio DJ Awards sur Fun Radio. Vote for me. Votez pour moi. Go. Le son Dance Floor. Hier soir, j'ai rencontré Pierre à un atelier cuisine mythique. Ses plats étaient trop bons. En plus, il est vraiment mignon. Pas étonnant que toutes les filles veuillent dévorer Pierre. Mais moi, je préfère Alex. Il est super maladroit, mais c'est justement ça qui me plaît. Rencontrez-vous à l'un des nombreux ateliers Mythique. Téléchargez l'appli gratuitement. Mythique. J'ai été chez McDo, je commande un menu McFirst à 4,95€ quand deux agents secrets m'attrapent et me poussent dans une camionnette. Non. Alors là, on arrive dans une base spatiale où des ingénieurs me demandent à moi comment orienter leurs fusées qui vont faire décoller. Chaud. Mais t'es calé, toi, en fusée? Pas des masses. Tout un menu pour 4,95€. Forcément, vous êtes malin. Menu McFirst, c'est un sandwich au bœuf, au poulet ou au poisson, une moyenne frite et une moyenne boisson. Prix maximum conseillé. Sandwich à choisir entre bœuf ranch moutarde, poulet ranch ketchup ou poisson ranch. Pour votre santé, évitez de grignoter. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio, Fun Radio. Sur funradio.fr. Rejoignez tous les millions de fans de Fun Radio. I love you, Fun Radio. Suivez-nous sur Twitter, Instagram et Snapchat avec le compte Fun Radio FR. Toute la journée, partout. Suivez Fun Radio, le son Dance Floor. Salut, c'est DJ Snake sur Fun Radio. Less on dance floor. Dans le night show, on va parler cul. I love that. Allez, tout le monde à poil. The night show sur Fun Radio. Fun Radio. On doit aider Léo de Mâcon ce soir. Léo, il a 20 ans, il a eu deux filles dans sa vie. Il est encore en couple actuellement, mais les deux lui ont dit, écoute, c'est pas trop ça niveau cul. Elle le traite de mauvais coup, je trouve ça méchant, moi. Surtout pour ta copine actuelle, franchement, ça se fait pas. Elle devrait te guider au lieu de te dire ça. Mais oui, c'est ça. Elle essaie pas de te guider un peu? Plus comme ci, plus comme ça et tout, mais c'est pareil en final. Mais Bichon, t'as pas de problème de précocité par exemple, y a pas de souci pour ça? Non, ça va, je suis dans la moyenne. Ok. Alors qu'est-ce qu'on... Déjà on va se faire un tour de table, chacun va donner un petit conseil. Moi je pense que déjà pour que le sexe ça se passe bien, il faut dédramatiser et surtout il faut discuter, parce que si tu parles pas avec ta copine pour savoir ce qu'elle aime pas, enfin, tu vois, ce que toi t'aimes faire aussi et tout ça, parce que peut-être que le cunnilingus t'aimes peut-être pas faire ça en fait. Oui, c'est vrai. Ouais, je sais pas, c'est peut-être elle aussi n'aime pas, j'en sais rien. En tout cas, il faut pas te forcer. Si toi tu sens que t'aimes pas le faire, bah forcément tu vas mal le faire, tu vois. Ouais, ok. Et il faut surtout pas négliger les préliminaires, Bichon. Je sais pas si tu le fais bien, mais c'est hyper important pour les filles. Ouais, d'accord, ouais. Bah là, tiens, m'a rien dit dessus, donc je pense que c'est bon, mais je suis pas sûr. Moi, si je pouvais te donner un conseil, pour moi en tout cas, je pense que tout est dans le rythme à chaque fois. C'est-à-dire qu'il faut toujours faire des variations de rythme. Au début, tu vas doucement, tu l'allumes calmement, tout ça, pour chauffer le moteur en fait. Et après, eh ben, tu changes d'intensité, tu vois. On accélère, on ralentit, on accélère, on ralentit. Attends. On donne un coup. Excuse-moi, tu t'es cru dans Automoto ou quoi? Oui, un peu. Mais c'est un peu ça en fait. Hein. C'est vraiment, il faut savoir... Il faut savoir faire des variations, sinon on s'ennuie en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, d'accord, je prends note. Prends note, c'est bien. C'est très important. Les garçons dans l'équipe, est-ce que vous avez des conseils à donner à Léo? Bah moi, pour moi, les meilleurs conseils viennent de... Bah moi, ils viennent d'Enzo, hein, je pense. Ah, Enzo, est-ce que t'as des conseils? Enzo, ouais. Enzo, avec sa meuf, c'est une histoire d'amour. Il nous raconte tellement de choses dans le bureau. Ça, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire pour s'améliorer? Sexuellement, je pense que pour s'améliorer, il faut qu'il ajoute des artifices. Genre quoi? Genre voilà, les petites bougies, la petite musique qui va bien de Drake, tu vois. C'est pas mal ça. Hein. Un petit too good. C'est vrai que ouais. ça peut vous mettre en ambiance et tout, ça peut être pas mal. C'est vrai que faire l'amour en musique, Léo, hein, moi je suis une partisane, comme on dit. Je trouve que c'est parfait, ouais. Faire l'amour en musique. Oui, Enzo. Et pour une petite anecdote, j'avais mis de la musique avec Spotify, pour pas les citer. Et en fait, c'était une playlist et à un moment, il y a eu Au bal masqué. Ouais, c'est marrant. Quand c'est avec ta copine, tu rigoles. Ouais, tu sauf vois. Que c'était avec sa mère. Donc... Oh. Arrête oh. Oui, Thibault, l'arrière. Ouais, moi, j'ai une vraie, mais alors une vraie théorie pour savoir si la session genre de cul était bonne ou pas. Alors, vas-y, c'est quoi la théorie? Bah, en gros, si t'arrives à faire plus de 3 positions avant de jouer, c'est que la position, c'est un bon coup, quoi. T'as réussi ton truc. D'accord, et toi, tu y arrives? Bah, non, généralement, c'est une position et encore. Bon. Mais selon ta théorie, il faut accumuler 3 positions minimum, ouais, pour être un bon coup. C'est ça. Mais ça, ouais, veut rien dire. Hein. Moi, j'ai déjà eu des relations avec des gens qui accumulaient les positions et qui n'étaient pas forcément meilleurs que d'autres. Ouais, moi, mais tu laisses une bonne image. Genre, on a fait ça, on a fait ça, on a fait c'est ça. Vrai. Tu vois. Ouais, tu laisses une bonne image. Mais tu vois, par exemple, Léo, quand tu veux changer de position, change. Mais alors, prends le temps quand même de profiter de la position. Parce que si c'est changer de position, ouais, pour changer de position, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que si tu fais virevolter la meuf, ouais, on n'est pas au cirque. Hein, ouais. Léo. Mais j'adore aussi qu'elle me propose des positions en fait. Léo, on a eu de la réaction pour toi. Je suis sûre qu'on va pouvoir t'aider ce soir. Je vous emmène chez Juliette. Juliette a 21 ans, oui, et elle habite, je ne sais pas car ce n'est pas marqué. Bonsoir Juliette. Bonsoir les filles, bonsoir toute l'équipe, j'habite à Lyon. À Lyon, d'accord. Alors Juliette, toi t'es une fille, ça tombe bien. Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? En fait, j'étais un peu bloquée moi aussi. J'avais pas d'orgasme très très souvent. Donc je pense que si sa copine, son ex, après c'était peut-être par méchanceté, mais si sa copine est comme moi, c'est faut pas qu'il s'inquiète, quoi, ça vient pas forcément de lui. C'est vrai. Après faut pas qu'il culpabilise ou qu'il s'en veuille lui, enfin qu'il continue, de toute façon il est jeune. Bon, je dis pas que je suis vieille, mais il est jeune et du coup ça va faire l'expérience. Pardon, allô, excusez-moi, je me suis. Ah c'est toi de bout. Enfin, c'est vas-y chérie, on t'a pas entendu sur la fin. Ah, du coup, je disais, non, ça va venir à force, ouais, à force d'y faire, l'expérience. Donc, faut pas. Après, faut, ouais, comme vous disiez, faut qu'il en parle avec sa copine, faut qu'il continue. Si lui, il arrive à prendre du plaisir, il n'y a pas de raison qu'elle elle en prenne pas. C'est vrai qu'elle a dit un truc juste, toutes les filles n'ont pas d'orgasme. Ça se trouve, ça vient d'elle et pas du tout de toi. Hein. T'en as eu que 2. Donc, t'es peut-être tombée sur les 2. Bah ouais, mais bichon. Il n'y a pas 100% des filles qui ont des orgasmes. Hein. T'es peut-être tombée sur 2 nanas qui ont du mal à venir comme ça. C'est pas du tout rare. C'est vrai, ouais, ça. Mais en plus, Juliette, elle a dit un truc vrai. Est-ce que toi, tu prends vraiment beaucoup de plaisir quand tu fais l'amour à ta copine? Bah, moyen, quoi. Enfin, j'ai du mal à garder le rythme, en fait. Moi, je pense que tu te lâches pas assez, tu te poses trop de questions et tu te mets surtout une énorme pression. Ouais. Alors qu'il faut faire tout l'inverse pour profiter, tu vois? Ouais, d'accord. C'est beaucoup dans la tête, hein, évidemment. Ah bah, tout à fait. Les plus grands spécialistes. Si sa copine, elle voit qu'il prend du plaisir, ça va peut-être inconsciemment l'inciter aussi à en prendre également. Et du coup, ça se partage. Bravo. C'est communicatif. Juliette, présidente du Fion, n'importe quoi. Merci de nous avoir appelé, Juliette. Je vous en prie, je vous fais plein de bisous. Bisous, la bonne bise. Bonne soirée. Il y a Jérémy qui est avec nous de Paris. Bonsoir Jérémy. Bonsoir Alexis, bonsoir toute l'équipe. Ça va Jérémy? Ça va, tranquille. Alors, arrêtez sur le côté là pour vous parler, donc ça va. Au top. En plus, t'es un bonhomme, t'es un mec, tu vas pouvoir le conseiller. Qu'est-ce qu'il peut faire Léo pour s'améliorer? Alors moi, c'est une anecdote que quand j'étais un peu plus jeune, j'ai eu la bonne idée d'en parler à une soirée de ma grande sœur où il y avait une copine à ma grande sœur qui était là. Et elle m'a entre guillemets pris sous son aile et voilà, m'a montré comment faire quoi. Ah ouais. D'accord, mais elle t'a montré quoi concrètement? Tout ce qu'on pouvait faire à une fille, enfin entre guillemets. Elle avait 5 ans de plus que moi, donc voilà. Ça, C'est vrai que ça peut débloquer hein, quand tu couches avec quelqu'un qui a vachement d'expérience, qui prend les devants et tout. Mais là, il est en couple, donc c'est compliqué pour lui de faire ça, tu vois. Ouais, mais moi aussi, je l'étais à l'époque. Et en fait, voilà, ça s'est fait vraiment discret avec une personne de confiance parce que je la connaissais depuis tout petit. Donc, mais attends, voilà. Parce que moi, je suis curieuse de savoir comment ça se passe, Jérémy, quand elle te prend sous son aile. C'est-à-dire qu'en gros, vous vous retrouvez tous les deux et elle te dit avec des mots simples, genre fais-moi ci, fais-moi ça. C'est ça, c'est exactement ça. C'est un peu le American Pie avec le bouquin. Tout comme ah ouais. Ça. C'est limite ça, quoi. Mais bon, franchement, ça m'a aidé avec le temps. Non, voilà, j'ai 28 ans et ça m'a aidé beaucoup. Hein. Donc, bon, après, là, peut-être elle est en retraite maintenant, mais bon. Moi, je suis moyen chaud pour conseiller à Léo de tromper sa meuf, tu vois. J'ai pas envie de le rendre infidèle, le pauvre. Mais non. Si jamais ça s'arrête, effectivement, il peut se tourner vers quelqu'un de plus âgé qui saura certainement lui apprendre des choses, ça, c'est sûr. Voilà, mais quelqu'un de confiance pour pas qu'il soit trop dans le fait d'être nul, quoi. C'est ce que je veux dire, quoi. C'est vrai. Oui, non, mais après, ça peut être une idée, mais effectivement, on peut pas l'encourager. Non, bah non. Hein, à aller faire n'importe quoi. Ah non, j'encourage pas à tromper, loin de là, mais. D'accord. À l'époque, c'était moins tabou. Maintenant, ça se fait pas. Mais voilà. Et attends, regardez-moi cette confiance maintenant dans ma voix là. Mais justement, ce que je voulais te demander à Jérémy, une fois que elle t'avait tout appris. Bon, du coup, elle t'a dit les cours sont terminés, mon petit. C'est ça, au boulot. Et du coup, après, comment ça s'est passé avec la première meuf? Eh ben, franchement, j'avais plus confiance en moi. En fait, je m'étais dit voilà, moi, j'ai plus d'expérience que la prochaine qui arrive, parce qu'en général, un gars sort avec une plus jeune, donc. On a une chance sur deux qu'elle ait moins d'expérience que toi, donc voilà, c'est en garçon en tant qu'égo, c'est mieux quoi. Ok, et ben bravo Jarem, on est vraiment contente pour toi. Maintenant t'es un bon coup, t'es dans la liste. Voilà. Félicitations. merci. Et bonne continuation sur l'autoroute de l'orgasme. Bisous Jérémy. Bisous Sam. Léo, je sais que tu voulais absolument un conseil de Pépère, alors c'est le moment. Écoute bien, Pépère. Ouais. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Bah, Pépère, quand il trouve que mémé a cru pas assez fort, il lui met des trucs dans le cul, hein, bah oui. Non, mais faut pas faire ça, tu lui mets quoi? Ah, bah déjà, ça commence avec une banane, puis un ananas, et une fois, on finit avec les pastèques. C'est pas possible. Bah oui, bah c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour lui faire manger 5 fruits et légumes à cette D'accord. salope. Non, Pépère. Cette vanne de Pépère n'est pas cautionnée par l'équipe du Night Show. Non, on traite pas mes mères comme ça, tu le sais, je te l'ai déjà dit, Pépère. Oui, bah alors qu'est-ce que je dois, comment la traiter? Bah gentiment. Non mais okay. Cela dit, en tout cas, félicitations à mes mères pour la pastèque. Ouais, belle performance. Bon, Léo, t'as eu pas mal de petits conseils, là, mine de rien. Ouais. Surtout, lâche la pression, prends confiance et fais-toi plaisir. Et voilà, le rythme, tout ça, les préliminaires, franchement, ça va le faire. Et parle avec ta meuf, Léo. Ouais, ok. Ok, on t'embrasse. Ouais. Bisous. Allez, dans un instant, les amis, on va accueillir Adrien Thomas. En plus, il faut que je présente Adrien Thomas à notre copain Théo, le gagnant de l'opération Bahut, parce qu'il est fan aussi. Mais avant ça, j'aimerais faire un petit tour d'équipe. Ouais. Interro surprise, les gars. Qu'est-ce qu'on a retenu ce soir, Thibaut Alaréa? Moi, j'ai retenu que Zao, elle savait faire plus de jongles que moi au foot. Et alors, ça, c'est vrai. Franchement, elle a jonglé dans le. Dribblé, on dit, ou jonglé? Dribblé. Elle a dribblé dans le studio, franchement c'était ouf. Bah moi je sais pas parce que je suis nulle en foot. Moi j'ai retenu qu'on a fait la foire aux célibataires et que j'ai eu personne qui m'a appelé. C'est vrai. Non. À part Greg qui est un animateur de fun. Non, il y a eu du monde qui t'a appelé mais on n'a pas pu tous les prendre évidemment. Oui, oui Thibaut. Mais bon. Je t'ai dit en plus qu'aujourd'hui ton jean il faisait un sacré pétard. C'était joli. Non, c'est Boboule. Il m'a dit qu'il me faisait un boboule. Amir, qu'est-ce que t'as retenu ce soir? Eh ben je me pose encore la question là ce que j'ai retenu. Bah t'as retenu plein de choses. Moi j'ai retenu que Enzo. Il sait pas du tout. Hein. Non, en vrai, j'ai retenu que Enzo, c'est l'homme le plus amoureux du monde parce que hors antenne, c'était pas l'antenne, mais il fallait quand même le dire. Ouais. Il me parle que de sa meuf, il est à fond sur elle. Oh, t'es un beurre, toi. Bah ouais, c'est normal, non? Oui, c'est vrai, c'est normal. Est-ce que t'as retenu quelque chose, toi, Enzo? Ouais, j'ai retenu que le gagnant de l'opération Bahut, c'était Thibaut. Non, Théo, en plus. Yannick du Standard, relève le niveau, je t'en supplie. Est-ce que tu as retenu quelque chose? Oui, j'ai retenu qu'on vous a mis la pâtée tout à l'heure avec l'opération Bahut. Oui, bah oui, ça c'est sûr, mais c'était tout à l'heure. Mais on n'en a pas la l'antenne. Effectivement, on a fait un jeu d'aventure et leur équipe a gagné. Et j'ai retenu aussi que le jeu Monsieur les Koumas, c'était une tuerie. Oui, ouais. C'est vrai. Ouais, ça c'était chiant, mais franchement, avec Zao. Cool. Avec Zao, c'était énorme. Vous allez pouvoir retrouver là, toutes les vidéos sur la chaîne YouTube Marion et Enzo. Bonsoir, Adrien Thomas. Bonsoir à tous. Bonsoir, les filles. Il y a du monde ce soir, Adrien. Oui, il y a du monde. Excuse-moi, Adrien Thomas, tu décides de te balader maintenant avec 800 personnes. Et alors, on est jaloux. Il fait des teufs, il a raison. Présente-nous. Alors, c'est Antoine Delvic qui va mixer dans un instant, qui est mon invité ce soir jusqu'à 1h du matin, qui est un jeune. un jeune DJ producteur français. Et attendez-vous à en voir de plus en plus, parce que j'ai envie d'inviter des talents. Ah, mais on aime bien, ça, nous, les invités. Ah, nous, on est plutôt friands de ça. Et hein. Vous allez voir que l'interview en anglais va être. Non, il est français, tout va bien. Ah mince, j'aurais tellement ri. Alors, je vous le dis, l'année dernière, on a eu la chance d'avoir Adrien Thomas qui recevait. Riton, voilà. Et c'est, je crois, l'un des plus gros fous rires de toute ma vie, parce que cette interview était lunaire. C'était très bien. Personne j'ai fait des progrès comprenait. En anglais depuis, tout va bien. C'est magnifique. Adrien, juste un petit mot pour notre copain Théo. Il t'aime beaucoup, il écoute tous les soirs, donc il est là. Tu veux lui dire bonjour, vas-y. Hein. Salut Adrien, ça va? Ça va super. Alors c'est bien parce qu'on se parle dans les micros alors qu'on est à 2 mètres. Mais vous faites vivre cette rencontre aux gens, c'est alors, ça la magie de la radio. Théo, t'es DJ, tu comment ça se passe? Je suis DJ dans une patinoire à Champigny et j'ai fait quelques soirées à Bercy. C'est quoi le titre, genre le titre indispensable que tu mixes à toutes tes soirées? Kungs, This Girls. Ah, pas mal. Pas mal. C'est un des gros tubes du moment. Très bien. Et sinon, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous laisser, nous. Ouais. Ah, vous étiez là? Pardon, on n'a pas. Bichon, tu vas pouvoir rester un petit peu là si tu veux regarder Adrien Thomas et son invité mixé. Et puis, nous, les amis, on va se quitter en chanson. Allez, vas-y. Est-ce qu'on était content d'être là? On était content d'être là. Merci beaucoup. Bienvenue sur Fun Radio, minuit 4, on est en direct. Et c'est vrai que ça fait du bien d'avoir des invités un petit peu dans cette émission de temps en temps, comme ça, minuit 1h. Des DJ producteurs qui sont connus un petit peu dans le monde entier, c'est vrai, parce que la France a du talent. Hein. Tu parlais de Kungs, jeune Théo, à l'instant. Mais il y a Kungs, on peut parler de Feder, on peut parler de toute cette nouvelle génération qui arrive. Et parmi cette nouvelle génération, il y a un garçon qui vient de Lyon, qui est à côté de moi, qui s'appelle Antoine Delvic. Bonsoir Antoine Delvic, comment ça va? Très bien, et toi? Super, bah alors de Lyon, tu viens d'arriver aujourd'hui. Tu vas mixer en plus à la Technoparade, toi, ce week-end? Samedi, ouais. T'as déjà fait la Technoparade ou pas? Jamais, c'est la première fois. Vous avez déjà fait les filles à Technoparade? Bah oui, évidemment. Quand oui, même. Dans le public, quoi. Oui, voilà. Vous avez jamais mixé à la Technoparade? Non. En tout cas, il est super looké, hein. Bah dis donc, ça va, détends-toi, il a une meuf, hein, donc. Et alors, j'ai le droit de dire qu'il est looké, enfin, oui, elle a le droit. Mais toi, je te connais, facile, je sais très bien où tu veux en venir, hein. Bon, alors, on va se détendre tout de suite. Et donc, pour les auditeurs de Fun Radio qui te connaissent pas, moi, j'aime bien poser cette question aux DJ qui viennent. Si tu devais te présenter en 15 secondes, tu dirais quoi? Antoine Delvic, c'est qui? Allez, vas-y, bon courage. Antoine Delvic, DJ, producteur, mixeur de Lyon. Et voilà, j'ai signé mes. Qu'est-ce que t'as gagné comme concours? Explique-nous quand même. L'année dernière, j'ai gagné le concours d'Oliver Elden et de Chaud Frank sur Spinning Records. Voilà. Et ce qui m'a permis d'avoir un pied dedans et de signer quelques titres là-bas. Et voilà. Donc voilà, il a gagné ce concours. C'est ce qui t'a fait connaître en fait un petit peu partout aussi. Ouais, un peu. Et c'est ce qui t'a permis. Alors, t'as signé des titres sur le label aussi de Closeman, hein, qui est DJ résident ici sur Fun Radio. Et puis, alors là, sur ce fameux label Spinning Records, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus gros label dance au monde. Tu as signé une reprise de Serge Gainsbourg, Si, Sex and Sun. Alors, ça va parler aux filles, ça, parce que rapport à leur âge, c'est vrai que Serge Gainsbourg, tout ça, vous connaissez. Donc... Non, mais dis donc, c'est la soirée des compliments, j'ai l'impression, non? Non, mais je vous aime. Non, ouais, non, mais ouais. Serge Gainsbourg, donc Si, Sex and Sun, il est venu d'où le délire? Raconte-nous un petit peu, en plus, t'es pas tout seul sur ce morceau. Ouais, alors, c'est avec un de mes meilleurs potes. Dans le monde de la musique, qui est Alex Vandiel. Oui. Et en fait, non, c'était parti d'un délire vraiment de sampler ça et de faire un track. Et en fait, on l'a envoyé, mais vraiment pour le délire. Et le gars a dit je kiffe, faites-moi une version finie et je signe. Donc voilà, ils ont fait les droits et tout. Et voilà. Et ça donne Si, Sex and Sun, plus de 700 000 vues déjà sur YouTube, sur ce morceau. Vas-y, tu peux lâcher le morceau. On va démarrer avec ça. Antoine Delvic, qui prend les platines de Party Fun. C'est mon invité ce soir. Hashtag Party Fun pour commenter l'émission ce soir. Il y aura des exclus, il y aura des morceaux qui sont pas sortis. Et puis donc, celui-là, si vous ne le connaissez pas encore, vous pouvez shazamer et vous pouvez aller l'acheter aussi, puisqu'il est dispo sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Si, Sex and Sun, Antoine Delvic, Alex Vandiel. Il démarre avec ça ce soir. Aux platines de Party Fun, Antoine Delvic, bonne soirée sur Fun Radio.

Une heure de mix dans Party Fun sur Fun Radio.